Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, chers amis, et bienvenue à l'épisode. La musique est un peu forte, je pense. Oui, mais je voulais la baisser. Ben oui. Au-dessus, comme ça, voilà. Hey, ouais, voilà, voilà. Allez. Oh, c'est un chapeau de roue. Oui. Les chats, la peau et les roues. Tout est là. c'est l'épisode 171. Fait que ça va être 17-1 ou 71-1. On n'a pas le choix, là. Ah ouais, ben. Fait qu'encore une fois, on ressort les goalers. On va ressortir un goaler. Ben, 71, on a présentement Kapanen. Kapanen, oui, 71. Donc, on va y aller avec Kapanen, déjà là. Le préféré du ciné. Exact, c'est sauvé. Et puis, là, 22 goalers, Rasti. On va y aller avec le classique, le nouveau, l'excellent Michel Larocque. Qui a été gardien de but pour le Canadien de 1975 à 1981, quand même. Il a aussi pu être un personnage des pierres à feu, là. Larocque avec un nom de même. C'est... Exact. Si moi, je... moi j'ai... ma mère a mis bas de moi en 1979. C'était bon. Larocque Dingol, là. Appelle-la, on va demander. T'en rappelles-tu, c'était qui Dingol, là? Malade. On salue les gens. On va aller les voir, ça marche. On va les voir, ça fonctionne. C'est réparé, j'ai vidé la cache. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, dans le chat, on a présentement Simon Lahaye. Bonsoir. Steph Talbot, qu'on remercie chaudement, qui est devenu, qui a pledge de Patreon. Ah, Patreon, ouais. Comme à la minute qu'il est arrivé dans le chat, il est devenu Patreon aussi en même temps. Cool. Ou, je ne me rappelle plus s'il l'était, mais en tout cas, il a mis un montant, my God, faramineux. Wow. Alors, merci beaucoup de la générosité, Steph. On va mettre des rimes d'en or sur nos chars. Mais des rimes des qui spinent, là. Ouais, comme ça va être full gangsta sur ma Civic. Et puis, alors, voilà, très apprécié. Merci beaucoup. C'est Frank qui est là. As always. Ben oui. Alors, bonsoir. Et il y en aura sûrement d'autres qui vont joindre E2. Bien sûr. Bien sûr. Alors, laisse-moi sortir le document. On jasait là, de travail, JF, les dossiers avant. Ouais, puis on regardait Pierre à feu en même temps. Fait que c'est, exact. Tout ça va très vite. Si ceux-là qui étaient au spectacle pour voir les pierres à feu avant que ça commence, vous avez vu l'excellent segment où est-ce que Fred et Arthur sont déguisés en dinosaures pour le bal costumé. Puis là, ils ont faim, ils se commandent un burger. Puis Fred, il dit, les burgers, c'est 2$ pour 2 burgers. Fred dit, 2$! Si j'avais pas si faim, je te garocherais tout ça d'en face. C'est très drôle. La violence des prolétaires. Hey, c'est très violent, les pierres à feu, là, le dialogue quand on check ça. Très violent et beaucoup de répétitions de background quand ils passent tout le temps à la même porte. Ah, ben oui, ben là, c'est long de dessiner ça, hein, t'as aussi bien de récupérer ça. Il n'y a pas juste à faire dans le temps, Anna Barbara. Non. Anna et Barbara n'ont pas le temps. Exact, c'est des noms de famille, hein, ouais, je l'avais déjà dit, ouais, c'est ça. Comme Brock Lee puis ceux qui font les James Bond. Là. Ah, je sais pas. Je me souviens plus. Ah. Et puis DR pour Daniel et Roland, pour les plus vieux hockeyeurs d'entre nous qui avaient de l'équipement DR à l'époque. Il faudrait un crossover avec les pierres à feu et l'homme d'Encino. Hein. Il y en a un qui est en cartoon, puis l'autre, c'est Brendan Fraser. Là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il faudrait que je voie le film de Brendan Fraser, Whale. La baleine, moi, je La baleine. Ouais, j'ai pas vu non plus. Paraît que c'est bien, bien bon. C'est son grand retour au son, acting. Son gros retour. Son gros retour à l'acting. Oh! Va-tu avoir un petit drum, le rock band? Il y en a comme 20 000 là-bas qui traînent. Là. C'est vrai, on a des drums ici. Je me suis promis dans le cimetière band. De rock band tantôt. C'est vrai, c'est tellement long. Tu sais, les drums ici, ça nous tombe dessus un peu par défaut. Pis... Faudrait que je check les cams à 5h30. Genre, j'ai mon petit V8 là, en canette, puis je marche, puis je regarde des jeux. Je suis comme, ah, cool. Jeopardy 25e anniversaire sur NES, ok? Un spectre qui se promène. C'est comme le fantôme de Retro MTL. Ah, vraiment. Vraiment. SSS Frank qui dit que The Well a gagné meilleur acteur. Ouais, il me semble, Oscar, hein, j'avais vu ça aux Oscars. Alors, ben, c'est tout. Moi, j'ai rien. J'avais rien non plus. Je suis brûlé. Ah, ouais, moi aussi. 14h, je travaille aujourd'hui. Là. Exact. C'est belle journée de podcast et de Retro MTL. Oui, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu au bureau. Ouais, l'autre fois, il y avait eu des confusions sur je viens-tu pas, là. Ouais, puis tu avais un meeting de job et tout, puis anyway. Ouais, je mais... présentais pendant une heure, puis c'était un peu tough présenté sur le laptop dans la cuisine ici. Dans une belle cuisine. mais c'était mais d'avant oui. Le temps des fêtes, dans le fond, que j'étais venu. J'étais venu au party de Noël. C'est vrai. Fait que ce fut productif. Oui. Et puis là, il y a un des trois projets qui est pas mal final. Là. Alors, tant mieux, parce que c'était prévu ça pour fucking octobre. Là. Ah, ouais. Avant que tu travailles pour nous. Avant, je le corrige. Ouais, c'est ça. Fait que on y arrive. Gagne. Ça s'en vient. Et puis, moi, je rush un peu présentement, je vais te dire, parce que... As-tu besoin que je te fasse des outils pour t'aider? Non. Besoin d'employés, en fait. Ah, ben parce qu'on avait engagé deux nouvelles personnes. Ici, on avait deux personnes à la mise en ligne, à l'inventaire. Ouais, ouais. Et puis, il y en a une qui est partie juste avant les fêtes. Et puis, là, on s'est dit, on va en engager deux, tu sais, parce qu'on a du stock ici, on ne fournit plus. On est enterré de stock. Fait qu'il faut le process. Et puis, on a engagé deux personnes qu'on était comme vraiment contents de nos choix. C'est comme « Yes! » On y croit, là. Ouais, deux coups de cœur, là, tu sais. Puis, il y en a une qui nous a dit que finalement, elle partait après trois jours de travail ici. Bon. Parce qu'elle avait postulé dans un poste au gouvernement, genre en octobre. Puis là, le gouvernement vient de la rappeler. Fait qu'of course, vous comprendrez qu'on n'a pas les moyens de matcher un salaire gouvernemental avec un fonds de pension et toutes les assurances et tout ce qui va avec. Alors voilà. Mais on lui a dit, tu sais, quand tu voudras t'ouvrir les veines, et ce sera bientôt, à travailler dans ta job plate de gouvernement, ben, nous autres, on est là. Et puis, on récompense à l'effort, oui. Tu sais. C'est ça l'avantage des entreprises privées. Ouais, exact. Tu sais. Sinon, l'autre option, c'est le grand convoyeur, là, que les jeux passent puis se font scanner tout seul. Puis, genre, c'est les robots qui traitent tout. Là. Ah, peut-être. Des milliers de dollars d'investissement. Peut-être. Puis là, ça va nous prendre du monde pour surveiller le convoyeur. Oui, alors voilà. Ça prend du monde pour surveiller les robots. Là. Exact. Et puis, ça, c'est une chose. Et puis, donc, on est Glevas. Un peu... Glevas! Les replies sont... Et dans la place. Alors, c'est ça. Mal, ben là, on rush un peu sur les employés, ça va nous en prendre plus. Et puis, au point de vue personnel, mon beau-père, le père de ma blonde, au cours de l'année dernière, s'est fait diagnostiquer une tumeur au cerveau. Ouais, ouais. Et puis là, bon, tout ça a duré un an, puis je vous épargne les détails, mais ça l'est fait enlever. Puis là, il était plus stable, mais tu t'en remets jamais de ça. Là. Il reste tout le temps des métastases, type, des petits ancrages, puis ça repogne anyway, là. Fait qu'il a fait de la chimio un peu et tout, puis là, ben on est rendu au bout où est-ce que ça vaut plus la peine de rien. Ah, ouais, fait que là, il est dans une maison de soins palliatifs, soin de vie, donc de fin de vie. Ouais. Et puis là, ils ont tout arrêté, puis ça fait juste dégrader non-stop. Alors, ouais, j'ai un oncle qui est parti un peu de même aussi, là, une couple d'années, comme « Ah, il n'y a rien à faire, genre, ah, ben, j'arrête de bouffer, puis je me laisse aller. » Exact. Puis c'était un an de calvaire, là, enfin, c'est ça, là. Ben là, ça va quand même vite. Puis en même temps, il souffre pas, tu sais, mais puis il a sa tête, puis il a de la mémoire, mais tu sais, il parle presque plus, puis il est dans un lit, il est plus capable de se lever. Ouais. Fait que, puis moi, je l'ai vu à Noël, là. Il était à la maison, mais il était tout le temps assis, puis il fixait. Puis, mais il était capable de se lever avec sa marchette, avec de l'aide, d'aller à la salle de bain, puis tout, mais là, il a plus rien de ça. Puis là, ben, ma blonde s'occupe de lui, fait qu'elle a pris un mois de congé, et puis elle est partie. Fait que là, moi, je suis père monoparental avec les deux enfants depuis c'est ce temps-là. J'ai pu jouer à Dragster avec ton gars. Oui, c'est ça. Vous êtes venu. On va en reparler tantôt dans le segment Tarivision. Mais mes enfants sont grands, tu sais, 17 ans puis 13 ans. Fait que ça va, là. J'ai pas des couches à changer puis des affaires de même. Mais tu sais, c'est quand même... C'est de la job, pareil, c'est de la job là. Les lunchs, l'épicerie, le ménage, la vaisselle, les pratiques de hockey, les pratiques Combien il y a eu de chapeaux de ballonné depuis le départ? Zéro, mais ça sent bien parce que là, je commence à manquer de temps, là. C'est sûr que ça nous prendrait ici un petit poil, un petit poil. Ballonné pendant qu'on mange. Fait que ça, c'est pas évident. Puis, bref, mais tu sais, je suis pas à plaindre, là. Mes enfants sont bien. Ça va, là. Puis en plus, mon plus vieux, il vient d'avoir son permis de conduire. Ça fait 2-3 semaines. Ouais. Fait qu'il peut aller à ses pratiques de hockey tout seul, donc ce soir, avec le char. Ouais. Fait que c'est merveilleux, sinon je serais pas ici. Puis le mardi, il part avec le char, tu sais. Fait que ça, c'est bien. Fait que bref, je suis un peu épuisé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail au travail. Ça draine mentalement, cette situation-là, quand c'est long, là aussi. Là, c'est exact. Tu sais, ça va aboutir où maintenant, là? Fait que c'est pas facile, là. Non, c'est ça. Fait que je suis un peu épuisé, gang, mais je suis là. Je joue à Tari pareil. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, cyclone, dans le chat? Il ne faut pas compter sur les employés temporaires étrangers. C'est je comprends pas. Mais, ben anyway, on n'en a pas d'employés étrangers. Ce sont tous des employés canadiens, n'est-ce pas? Alors, né au Canada. La charge mentale des enfants. Ben, c'est la charge mentale de rouler la famille, là, exact. Le familial. Puis qu'on va se le dire, charge mentale portée par souvent les femmes et les mères beaucoup plus que les hommes. Ouais. J'ai pas honte de le dire. Puis, ben, moi, je suis un peu contre cette ben, toi, tu fais les deux, là. Oui, là, mais je dis, même avant, en couple, je faisais beaucoup plus. Là, fait que c'est, ouais. Ça dépend des couples, mais oui, c'est sûr que. Ça dépend des couples, mais je pense qu'en. Mettons, de façon générale, en c'est moyenne. Sûr, je pense que c'est plus le lot de la femme, effectivement. Là. Exact, exact. Ça devrait pas l'être, là. Ça devrait être split. Ça de... Moi, je veux pas sonner sexiste, mais je pense qu'il y a de quoi de naturel là-dedans. Le prendre soin vient plus naturellement de la femme. Peut-être, et la chasse et la t'as des pères qui sont beaucoup plus catineux et qui prennent soin. Oui, mais encore là, c'est des exceptions. Je sais pas si c'est des exceptions. Plus... Ben oui. Ben moi, je catine, là. Mais tu sais, c'est... Catine ton grand de 17 encore. Ben oui, j'en catine au bout. Des beaux becs. J'aime ça catiner des bébés. Le mien surtout, là. Ouais, c'est ça, qu'il est putain un bébé non plus. Non, mais il a besoin de se faire des câlins. Ben oui. Mon plus vieux, il en prend encore, lui, des câlins. Mon plus jeune à 13 ans, on peut plus l'approcher. C'est la nouvelle étape qui commence, moi aussi, là. Il a perdu une dent. Il a plus son banc de bébé dans l'auto. Il a un petit booster. Oui. Là, il est à l'école, il va bien. Fait que c'est ça. Ah, ça, c'est le fun, ça. Le stimulant de bébé quand ça prend le bord. On vient de l'école, il me dit: papa, je peux-tu voir ton jeu, la manette, là? Il y a des chiffres dessus. Tu veux jouer à la télévision? Ben oui, mon gars. Mon gars. Gars. Ah boy, c'est un vrai gars dans la télévision, parle-moi de ça. Parce que papa boit. Ça, c'est juste comment on deal la charge mentale, sinon. Hey, le pire, c'est que je bois tellement. Moi non pas, plus. Là, parce que, genre, j'ai pas le temps. Parce, on mettons, est sur l'eau, là, finalement. Là, je suis sur l'eau, parce que je me dis, là, demain, là, je me couche tard, il y a le podcast, et puis là, demain, j'ai une pratique, faut que j'aille à l'impro à 5 heures, j'ai une hostie grosse journée, Martine n'est pas là demain, et puis ça va gauler. Puis là, après ça, on va peut-être en Beauce samedi. Fait que là, je prendrai pas une petite bière dans mon sofa le vendredi parce qu'on se lève à 10h. Tu sais, je bois plus parce qu'il faut que je sois tight tout le temps, tu sais. Mais là, j'ai envie de boire en tabarnak. Tu peux avoir une petite, là. Ah, pas là. Mais peut-être en Beauce samedi soir quand après la visite. On verra. Comme le veut la tradition en Beauce, dans le char, pendant que tu conduis entre tes deux jambes, la quille là, qui tient bien au chaud. Exact. Fait que c'est ça. Dans le fond, je fais juste un préambule parce que si jamais je me suicide dans pas long, allez au moins savoir pourquoi. Ah, une bonne joke de suicide. Ça en prenait quand même, ça... 8h15, là, c'est ça? C'est l'heure, c'est l'heure. Temps, là. Fait que on va aller en collection. On s'en va en collection? On s'en va en collection. Collection. Genre de petite Genesis bien jazz. On est ça. Oh, attends, on a ça. C'est bon en petit papin. Ouais. C'est bon comme de la bonne pizza. Oui, c'est bon comme de la bonne pizza, mesdames et messieurs. Le jeu, mon seul jeu que j'ai à présenter de collection cette semaine. C'est Pizza Tower, jeu que Bruno avait critiqué à Rétro Nouveau. Et puis, t'es un pizzaman qui court comme un défoncé dans des niveaux de style de platforming, comme on peut le voir à l'écran présentement. Et Eric, notre cher Eric Hébert, avait fait une petite soirée gaming chez eux. Ben, d'un, Bruno avait encensé le jeu-là. Moi, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Ouais, c'était juste PC à l'époque, hein, je pense. Ça se peut, ouais. Et puis, Eric nous a invités chez eux, puis il nous a fait jouer. Puis là, mais il était tard. Puis on avait quand même bu une coupe de bière. Puis là, je me sentais pas la force de focus, mais il y avait de quoi. Kev, il a pogné ça, puis il a eu une petite bonne run. Fait que bref, moi, c'est un jeu que je pensais peut-être. Là, j'ai vu le physique chez Retro MTL. Finalement, je me suis dit, je le veux pas assez. Ouais, ouais. Puis là, on est allé chez Eric. Je pense que je vais le craindre finalement. Puis là, ce que j'ai vu, c'est que chez nos fournisseurs, la version physique de ça est super dure à acquérir. Ah, ouais, okay. Parce que je sais pas pourquoi. Parce qu'ils n'en ont pas. Alors, on a pu en commander la première fois, genre juste 3. Puis là, on a eu un restock de 2. Fait que là, je me suis dit, on a déjà eu des questions des auditeurs dans le passé. C'est comme, tu sais, des jeux Switch qui peut-être vont valoir cher. Ouais. Ah, ça, j'avoue. Hein, on dirait que j'ai un feeling que celui-là, ça pourrait s'il n'y a pas une grosse distribution physique, ça se pourrait, là, effectivement. Exact. Mais je veux juste attirer votre attention sur le Fan Gamer dans le coin ici. Donc, ce jeu est publié par Fan Gamer, du moins la version physique. J'ai pas fait de recherche plus creuse. Et puis, je joue, tu sais, le jeu de Matt Bennett au WEG, satanisme, Fate. J'y joue présentement. D'ailleurs, si vous regardez mes stories sur Meta, vous allez voir que j'y joue. Du monde avec pas de face. Ouais, des affaires épeurantes, là. Puis ce jeu-là, je me suis procuré direct sur le site de Fan Gamer. Okay. Puis quand j'étais sur le site, ben, j'ai vu que Pizza Tower était là. Fait que là, je suis allé vérifier, puis il y en a. Okay. Alors, peut-être que c'est facilement accessible directement sur Fan Gamer, mais pas chez nos gros fournisseurs à nous. Un genre de limited run, mais pas limited. Pas limité, alors, c'est intéressant. Et puis, on salue Lil Mr. Rat Super dans le chat qui vient d'arriver et qui lui aussi est sur sa liste. Alors, je vais essayer Tower, ça. De la compagnie Tour de Pizza. Oui, c'est vraiment le seul jeu, là, je pense. Et puis, voilà. Donc, il doit en rester une copie, peut-être, sur le site de Retro MTL. 50$ au cost, au retail, mesdames et messieurs, plus taxes. Faut bien bâtir des écoles et des rues. Ben oui. Alors, c'est ce qui vous en coûtera pour avoir cet étrange jeu qui a l'air quand même très divertissant. Puis, je suis content de l'avoir physique dans ma collection. Je pense qu'il peut avoir... Mr. Rat, il vient d'aller voir, sont tous vendus chez Retro MTL. Et puis, voilà. Bon, là, Cyclone, il pose des questions, là, mais... On va réécouter les épisodes d'avant. Ouais, on a déjà parlé. Puis là, on n'est pas dans les questions, alors on répondra pas à ça. Mais parce y que c'était... Y a-t-il une cartouche dedans ou c'est Shark? Oui, ça, c'est... Non, ben, il n'y a pas de key... parce que là, il parle de game key card, là. Et puis là, on partira pas là-dessus parce qu'on a un show à faire. Mais puis, on a déjà parlé, mais je serais bien willing d'en reparler aussi parce que moi, j'ai des opinions très tranchées. Mais pour les jeux de Switch 1, il n'y a pas de game key card si on en fait de Switch 2. Alors, voilà. Et c'est tout pour moi. Et là, c'est toi, JF, qui a la grosse affaire cette semaine. Oui, cette semaine, je sors des jeux vidéo en restant des jeux vidéo. On y va avec la soundtrack du jeu Earthion en vinyle, mesdames et messieurs. Oui. Pour 65$. C'est un vinyle qui vaut à peu près 120 sur Amazon. Je l'avais mis dans ma wishlist il y a très longtemps. Puis ça a été payé avec de l'argent sale, là, tout ça. Là. Oui. Parce que dans le temps des fêtes, je suis allé avec mon père, mon frère. Il y en a eu une soirée qu'on était libre, les trois en même temps, on était au casino ensemble. J'ai fait genre 250$. Là, je suis dans le char avec mon père, genre rien. Je suis comme, il y a eu 65$, moi le prendre. Le lendemain, il est revenu à 120. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais très chanceux. Une vente éclair, 50%. Là, donc, voilà. Fait que t'as pu acheter. Parce que là, ça vaut 120, ça vaut 120 là, sur eBay. Sur eBay, ouais. Ça vient des Europe. Là. C'est UK seulement là, que c'est disponible. Ah ouais, hein. Donc, on voit à l'intérieur ici, on voit les belles images du jeu. Je veux rappeler aux gens que c'était ton jeu de l'année aussi. Oui, c'est mon jeu de l'année. Ouais, c'est un shmup fait par Yuzo Koshiro. Oui, ben, à la musique. Et puis, pour ce qui est du jeu lui-même, il est conçu. Par qui? Non? En tout cas, des vieux. Ancient. Ah, comment? Ancient. Ancien. Ancient. Oui, c'est ça. C'est des. C'est oui, tout du monde de Genesis, ça. Là. Alors, le jeu a très de l'air d'un shmup de Genesis. Là. Puis, gros jeu. C'est la compagnie à Yuzo Koshiro, d'ailleurs. Là, ah, ouais, c'est ça. Alors, gros jeu, gros gens de talent, ça, qui ont fait ça. Je tiens à faire remarquer ici qu'on a tous les sound effects à la fin, qui est très le fun à écouter. Ouais. mais c'est une soundtrack de feu, c'est un OST incroyable. Et c'est de Yuzo Koshiro, qui a fait toutes les Streets of Rage et mille affaires. Là. Vous avez écouté ma critique, mais voilà, c'est un vinyle qui est bleu, transparent, un peu translucide. Là. Oui. Donc, on le voit comme ça, là. Et on met son nom ici. Hein, c'est beau. Ah ouais. Là-dessus, on met le temps. Ouais. Ça, c'est quand tu pars le jeu, il y a ça aussi à chaque fois que tu démarres, mais c'est le temps de chaque côté qu'il y a sur le vinyle, c'est bien. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Tout ça a été fait avec beaucoup de tendresse et d'attention. Ah ouais, puis l'illustration sur le cover est vraiment badass. Là. Puis le jeu est excellent. Tout ça. Tout est incroyable. C'est de l'amour, ça. J'ai pas de Genesis, on va me le prendre en Genesis pareil pour avoir la collection complète. Mais pour vrai, là, le matin, des fois, là, je me coule un café puis je me passe ça dans la cuisine. Que ça te part une journée. Là. Ah ouais, c'est incroyable. Excellent. Et puis, je pense que les gens... Oui, ça va sortir en version Genesis, vraie cassette ouais, Genesis, cette année, en effet. Déjà, le ROM Genesis est disponible sur le net si vous voulez le mettre dans votre pocket. Oui. Je l'avais essayé puis c'était pareil. Pareil. Puis c'est un limited run en version physique, donc Genesis, oui, mais aussi Switch et sûrement PS5. Là, on va avoir tout ça chez Retro MTL d'ailleurs. Et puis moi, je vais me pogner en version Switch pour ça. Je suis moins dans le Genesis, mais c'est quand même fucking nice. Donc c'était mon. Dans le chat, tout le monde veut s'en pogner un, je pense. À cas des vinyles de jeux de télévision, j'aimerais ça. Imagine. Le vinyle de Night Stalker. Là. Boom, boom. Lil Mr. Rat Super me demande, penses-tu que les gens de la Beauce comptent pour Avalanche à soir? Ça, c'est drôle parce que c'était dans le chat de la soirée du podcast. Ouais. Sur Discord, en passant, dans le hub HUB, il y a une branche, la soirée du podcast. Dans les podcasts, ouais, puis ça jase au hockey pour les games souvent. Exact. Là, puis des fois, ça bifurque, là, comme moi, je pogne les nerfs, là, justement. Ça parlait de monde qui sont anti-canadiens. Là. Exact. Alors, je pense qu'il parle de ça. Je me rappelle plus, Lister Rat, c'est qui dans le... Dans la vie? Dans Discord. Ah, dans Discord. Ben, dans la vraie vie, il doit être là. S'il parle de ça, c'est qu'il doit parler avec nous autres là, mais il n'y a pas le même nom. Ça se peut-tu? Il nous le dira. Il nous le dira s'il veut. Tout ça est bien spécial. Ouais. Et puis, ben voilà, c'est tout pour la collection. C'est un excellent vinyle. Ouais, fait que c'est ça. Prochaine fois, j'aurai d'autres choses. Moi aussi. Ah, toi, t'en as des affaires. Ouais, j'ai quelque chose qui est en shipping qui s'en vient, encore de l'Europe, là, qui s'en vient. Moi, je prends juste des affaires rares. Là, ouais, c'est ça. Qui sont difficiles à pogner. Mais quelque chose qui n'est pas difficile à pogner, par contre, c'est le plaisir de jouer à la prochaine critique que je vais faire. On s'en va dans les cris. Ah, c'est Antonin Fréchette. OK, bon. Ah, ah, ah, ah. Bon, ben, je vais déjà mettre plein sur le show là, que, genre, les gens de la Beauce prenaient pour l'avalanche nordique. Ben là, c'est Canadien nordique à soi, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais on s'en va maintenant en critique. Bon, ben, hop, j'ai fermé le son. Bon, mauvais piton. Tabarnak. J'ai fait dans le mauvais sens. Grosse critique, ce soir. Ah oui. Non, j'ai pas acheté de nouveau jeu d'Atari, je m'en suis fait gracieusement donner dans la foi, fait que je faut que je revienne au magasin. Là. Et on va en parler tantôt dans le segment Atari Vision. Oui. Et puis, voilà, donc ma première critique sera Marvel Cosmic Invasion. Un peu en retard, je l'avoue. Développé par le studio québécois montréalais, dans lequel on a plusieurs amis, Tribute Games. Mm-hmm. Publié par Dotemu et c'est disponible sur toutes. Alors, je le dis, tout le monde le sait, mais Tribute a eu un gros succès en faisant le dernier Turtles Shredder's Revenge. Et Marvel Cosmic Invasion était c'est pas une suite, là, mais c'était un beat'em up style 16-bit dans la même vibe. Sauf change l'univers des tortues pour l'univers de Marvel. Ouais. Et chez Tribute, semble avoir beaucoup d'amateurs de Marvel. Du moins, Fred Jemus. El Jemus, yo. C'est un jeu bucket list pour lui parce que Fred est un grand fan de Marvel, bien sûr. Alors, il a eu la chance de travailler là-dessus. Ah, ça, là. Quand tu finis le jeu, son nom est genre en deuxième. Là. J'ai oublié son titre. Là. Gros titre, gros nom. Yannick aussi, Belzil d'ailleurs. Dans l'ancien podcast Trois bières. Ouais, ouais. C'est comme ça fait longtemps, mais ceux qui écoutent les podcasts depuis longtemps sauront se rappeler de ça. Et qui est writer pour tout ça. Puis les gars s'en sont donnés à cœur joie. Puis il y a énormément de personnages dans le jeu que tu peux utiliser et du lore aussi caché un peu partout. Ouais. Ben, pas tant caché, mais dans le background. Tu sais, des affaires que. Il y a bien du monde qui connaissent pas en tout, là, tu sais, puis ça, c'est cool, tu sais, de mettre des affaires très pointues, puis des trucs comme ça. Mais c'est fun parce que c'est des passionnés de comic book aussi, de Marvel, fait que tout ça paraît, là, quand tu regardes, là. Absolument, tu sais, puis bon, je vais sûrement parler à travers mon chapeau, mais il y a plein, mettons, le boss du premier niveau qu'on venait de voir passer, une espèce de mouche, là. Tu sais, moi, je connais pas ce bonhomme-là, là, mais j'ai eu l'impression que c'est pas le plus connu de l'univers de Marvel, mais les gars, ça leur tentait de le mettre, tu sais, puis ils l'ont mis. Puis d'ailleurs, Fred me disait que ça travaillait quand même très bien avec les gens de Marvel. Ah ouais? Tu sais, eux autres, là, ils bottent pas avec ça. Mon personnage. Puis ben oui, il était pas mal d'accord sur tout, sauf, là, bien sûr, s'il y avait, mettons, un film d'un qui arrivait ou whatever, des affaires de même. Mais pour le reste, là, tu sais, ça, c'était bien fluide, là. Alors, voilà, vous pouvez choisir entre un paquet de monde. Spider-Man, Venom. Ah, j'ai oublié, il y en a que je me rappelle même plus le nom, là, tu sais, des genres de bonhommes de l'espace. Ah, les Gardiens de la Galaxie, mettons, là. Ouais, ben, juste le raton. Rocket Raccoon, il était là tantôt, on a vu Iron Man. Iron Man, Captain America, les Basic, of course. Ouais. She-Hulk, Ghost Rider, mais version spatiale, là, j'avais jamais vu ça. Puis il n'y a pas Thor, mais il y a. Loki? Non, l'espèce de Thor avec une face de cheval, là. Asti, j'ai oublié son nom déjà. Certainement. Thor avec une face de cheval. Ouais, c'est dans l'univers de Thor, okay, là. Il y a un marteau, lui, avec. Là. Fait que bref, ils ont comme pris ce bonhomme-là à place. Je trouve ça très drôle. Et puis Storm, et, Silver Surfer, Phoenix, bref, ben du monde. Puis tu les unlocks en faisant les niveaux. Ah, c'est cool. Alors, c'est des niveaux, c'est un jeu Beta Rebuild, Glovas. J'ai jamais entendu ce nom-là de moi. Moi non plus. Là, c'est Nova qu'on voit à l'écran. D'ailleurs, je ne le connaissais pas non plus, je l'ai beaucoup aimé. Et puis, donc, c'est un jeu très linéaire quand même, on va se le dire. C'est niveau un après l'autre. Parfois, tu as le choix entre deux niveaux sur la map. Et puis, mais t'as pas le choix de faire les deux anyway pour passer au prochain. Tu veux juste lequel c'est en premier, puis that's it, là. Exact. Fait que, tu sais, ça fait comme des branches qui se referment sur elles. Fait que t'as un niveau mène à deux niveaux, qui remène à un niveau, qui réouvre à deux niveaux. Ouais, mais il faut que tu fasses tout ça anyway. T'as pas le choix. Et puis, il y a quand même pas mal de niveaux. Puis chacun des niveaux aussi contient une espèce de cube là, vert là, qu'il faut qu'il est caché, qui scintille quelque part dans le background. Okay. Il faut que tu punches là-dedans. Et aussi trois challenges. Et puis, bon là, je vais peut-être un peu à l'envers. Je vais parler des bonhommes après. Et puis, ces trois challenges-là m'en crissaient. Mais finalement, j'ai eu bien du plaisir à les faire. Okay. Un coup que j'ai fini le jeu, puis plus que j'avançais en jouant dans le jeu, plus que je me dis, attends un peu, là, je vais arrêter de faire n'importe quoi. Tant qu'à faire le niveau, je vais essayer de faire les challenges aussi. Puis au début, tu regardes c'est quoi les challenges du niveau que tu veux faire. Puis ils te disent, mettons, Spider-Man doit faire ci, puis Iron Man doit faire ça. Bon, ben parfait, c'est ces bonhommes-là que je vais prendre pour ce niveau-là. Parce que tu peux changer de bonhomme tout le temps, entre chaque niveau. Okay. Fait que quand tu commences un niveau, il faut que tu choisisses deux bonhommes. Puis là, ils ont ramené un peu le Marvel versus Capcom, le Marvel et jeux d'arcade, où est-ce que tu as un tag entre les deux bonhommes. Okay. Alors, tu switches entre les deux, ils ont chacun leur barre de vie indépendante. Et puis, quand tu t'attaques avec un, tu peux peser sur un bouton, puis l'autre, il vient continuer l'attaque, ou tu peux juste aussi changer normal. Okay. Alors, tu as tes combinaisons comme ça. Alors ça, c'est très joli qu'ils aient ramené ça de l'arcade. Là. C'est une bonne idée. On vient de le voir là, à l'écran, une petite attaque combinée. Ouais. Cool, cool stuff. Les bonhommes, il y en a beaucoup, mais tu sais, il y a quand même des patterns qui se répètent pour chacun. Là. Mettons, on voit Nova ici, lui, il vole. Donc, il y a quelques bonhommes qui volent. Donc, tu sautes et puis tu repèses sur le bouton de sauter. Puis là, tu vas rester dans les airs. Fait que là, tu peux attaquer dans les airs. Fait que c'est pas tout le monde qui a ça. Alors, puis c'est pas tout le monde qui a des grabs. Mettons, Venom, il y a des grabs. She-Hulk a des grabs. Mais c'est pas tout le monde qui a des grabs. Okay. Il y en a qui ont des projectiles, il y en a qui ont des épées. Fait que tu sais, c'est un remélange un peu des mêmes types d'attaques pour tous les bonhommes, tu sais. Mais ça n'a pas le même look, là, tu sais, mais comment dire, ça fait la même affaire au final. Ouais. Fait mais on dirait que j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus, tu sais. Puis quand je pense aux Turtles, c'est bien basique, les Turtles aussi, là, ils font tous pas mal la même affaire, les bonhommes, là, tu sais. Fait ici, c'est un peu la même chose. Mais en même temps, c'est correct aussi. T'sais, quand il y en a trop, tu te retrouves à jamais tout faire, à tout le temps tout pas faire. Ouais, c'est correct. Parce que tu te retrouves tout le temps à faire pas mal les mêmes choses. Fait que là, c'est bien balancé. Et puis, tu as des attaques spéciales aussi, qui a une jauge. Donc, comme Spider-Man, il pitche des toiles d'araignée comme ça, puis ça ralentit le monde. Là, t'sais. Fait que ça se recharge tout seul. Et tu as une attaque suprême aussi qui se recharge. Okay. Grosse attaque là, qui fait tout l'écran. Tout le monde a ça. Et ça se recharge à force de puncher le monde. Et puis, c'est pas mal ça, mon gars. Là. C'est multijoueur, ce que l'on dans le chat demande, c'est multijoueur en effet, et bien sûr. Et ça peut jouer jusqu'à 4, c'est sûr. 6, je ne sais plus. Faudrait vérifier ça à boîte. Mais à 4. Puis tu sais, moi, j'avais jamais 4 amis chez nous ou whatever. J'ai pas joué. Ça a donné qu'on n'a pas joué à ça entre amis. Mais j'ai connecté pour la première fois de ma vie en ligne pour aller me joindre à des games, ongoing games pour aller battre du monde pendant qu'il y avait des games qui jouaient. Là. Mais Chris, à chaque fois que j'arrivais, le monde, il s'en allait. Ah. Il m'abandonnait. Là. C'est comme, hey, fuck off. Là. Je voulais juste jouer avec toi, mais fuck you, tu sais. Fait que c'est ça. Et puis, mon personnage préféré que Jim me demande, assez dur à dire. Je trouve que Captain America est quand même très bien balancé. Nova aussi, qu'on voit à l'écran. Black Panther est le fun, il est super rapide. C'est sûr qu'une bonne combinaison, c'est de n'avoir au moins un des deux qui vole. Et puis, s'il y en a qui a des projectiles comme Nova présentement, c'est bien d'en avoir un qui a peut-être des attaques de mêlée un peu plus, là, tu sais. Mais il y en a qui ont quand même pas mal les deux. Donc, c'est dur à dire. Le Raccoon, je te dirais que lui, je l'aimais moins. Puis Venom, il est quand même fucking violent. Là. Il était nice. Un peu gros. Mais Nova, qu'on voit à l'écran, c'était un de mes go-to. Là. Vraiment très bon. Et puis, c'est ça. Toutes les boss sont très variés. Hein. Ça se promène dans plusieurs univers. Comment ça s'appelle l'univers de Black Panther? Wakanda. Wakanda, ouais. Fait que tu vas là, tu vas dans l'univers de Thor, tu vas dans New York. Asgard. Hein? Tu vas à Asgard pour Thor, tu dis? Oui, oui, ouais, c'est okay. Ça le nom. Ouais, ah, tu ouais. Vas là, t'es dans l'espace avec Galactus puis le Silver Surfer. OK. Puis même Galactus donne un coup de main parce que le méchant là-dedans, tu sais, tout le monde veut le péter, là, y compris Galactus. Alors, il y a comme tout le monde se met ensemble, tu sais. Mais je pensais qu'il allait peut-être avoir plus de vilains, là, si je peux dire. On rencontre le Taskmaster à un moment donné, mais lui, il ne joint pas au groupe, malheureusement. Mais il n'y a pas de méchant que tu peux prendre. Okay. Ça dépend si tu considères Venom un méchant, mais c'est le seul plus ouais, méchant. Il est sur la ligne, mais c'est le seul que tu as. Et puis, il y a beaucoup de... Les personnages parlent beaucoup, tu sais. Okay. Genre, quand tu switches, là, il est comme « Hey, vas-y! » Ben, oh, c'est un dialogue ou c'est du c'est juste une... Non, c'est une parole qu'ils disent okay. dans les airs. Puis, ils se callent des petits calls drôles entre okay, eux. Okay. Là. Spider-Man, il voit de la bouffe. Quand tu manges de la bouffe pour gagner de la vie, tu dis « Oh yeah! Free food! Woohoo! » Puis, ils ont toutes des affaires qui se disent. Puis, dépendamment de la combinaison que t'as, ils se disent des affaires ouais. plus entre eux, tu sais. Ah, fait que ça, c'est intéressant. C'est bien. C'est super bien. En effet, bravo Yannick pour toute cette rédaction. Ouais. Je dois dire aussi que j'adore Wolverine, là. Fucking rapide, là. Puis il y a un grab aussi qui projette vraiment loin, donc super efficace. Y a-tu Deadpool ou non? Non, il n'y a pas de Deadpool. Ça devait coûter trop cher ou trop compliqué, Deadpool, en effet. On le voit, là, on a vu les chemins. Ouais. Fait que, ouais, pas de Deadpool. J'aurais adoré Daredevil, puis genre Punisher, puis des personnages un peu plus street de même, mais ça, c'est mes choix personnels. Ouais, pas trop de X-Men non plus, je suis content, parce qu'à un moment donné, ben, on va dire ça, il y en a quand même pas mal, là, finalement. Il ouais, ben, y a beaucoup de personnages qui font partie des X-Men aussi dans l'univers de Marvel. Là, c'est... Ben, c'est ça, mais au moins, c'est pas juste un jeu de X-Men, là, t'sais, fait que ça, c'est cool. Donc, ben, voilà, c'est assez linéaire. Ça, bien sûr, ça se fait très bien, sans difficulté. Là, c'est pas souvent que c'est arrivé qu'il y ait des niveaux que j'ai pas réussi à finir. Puis après ça, ben, je mourrais au boss, là, surtout. Mais après ça, c'était juste de prendre son temps et de le faire proprement. Là. Et puis, on demande dans le chat si on... S'il va avoir des DLC de personnages, je vais demander à Fred. Ça, des personnages en DLC, d'après moi, il va sûrement en avoir. Je sais pas si Fred peut dire ça, mais... Puis il nous a rien dit, mais moi je suis pas mal certain, je vois pas pourquoi il y en aurait pas, là, tu sais. Et puis, ouais, au niveau du look, en effet, je veux le mentionner, c'est pareil comme les Turtles, 16 bits de luxe, vraiment hot, là, rétro, là, mais ouais, vraiment ça accroche. Très, très, très, très, très beau. Musique super le fun. On va en avoir chez Retro MTL. D'ailleurs, c'était en précommande pendant un bon bout de temps. Précommandez, guys, vos affaires chez Retro MTL. Là. Ça aide tout le monde, ça. Nous autres, dans nos quantités, puis vous êtes sûrs d'en avoir. Le monde, ils nous écrivent des fois sur Facebook. « Hey, allez-vous à l'affaire? » Il est en précommande depuis 2 mois, man. Va voir. Puis là, il n'est plus en précommande parce qu'il s'en vient. C'est plus facile de le demander que d'aller checker sur ton site. C'est ça. Malheureusement. Fait que, voilà, les précommandes viennent de fermer. Ben, sais-tu, ils sont peut-être encore disponibles. Faudrait aller voir si vous voulez. Précommander si c'est là. Sinon, on va en avoir, c'est bien certain. Donc, très réussi, très cool. Là, j'ai vu que Tribute viennent de popper. J'ai pas regardé le truc. Ils ont lancé un trailer, not game footage de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim ouais. C'est du game footage? Non, c'est écrit not pas game footage. Pas du game footage. OK. Mais c'est en bit, pareil. Là, c'est en cartoon. Là. Exact. Fait que là, ils vont livrer Scott ben Pilgrim cette année, je pense. Puis là, ben après ça, ça va leur prendre des nouveaux jeux. Alors, j'ai très, très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont encore faire des beat'em up. Je leur conseillerais, puis c'est bien humble, je suis un nobody, de peut-être essayer autre chose. Je suis curieux, tu sais, j'ai aucune idée des ventes, mais mon ressenti était que Turtles était un très, très, très gros hit. Puis ça, je me demande à quel point, parce que, tu sais, c'est quand même un peu pareil, là. Mais c'est all good, tu sais, c'est tout aussi good, ouais, là, ouais, dans ouais, le fond. Ouais. Puis bon, fait que voilà. Alors, pour toutes ces raisons, Jean-François, je vais donner un 4 pommes à Marvel Cosmic Invasion. C'est comme je vais dire, simple et efficace. T'sais, les gars ont travaillé là-dessus comme des malades. Ils m'ont dit mais... c'était pas simple. Je sais que c'était pas simple. Mais au ressenti comme ça, c'est comme un Turtles 2, ça, à la, mais c'est Marvel. C'est ce que tu veux de ce genre de jeu-là. Exact. Tout ce que tu recherches, là, mettons. Exactement, exactement. Donc, voilà. Et bien sûr, du gros fun pour toute la famille en co-op. À ton tour, Jean-François? Oui, je me suis trouvé un jeu finalement cette semaine. Hey, je veux juste mentionner que c'est rendu 4-1 pour le Canadien. Ben, Jake Evans vient de scorer. Let's go. Attends, on est en train de péter les Nordiques. Ben oui, ça faisait longtemps que ça n'a pas arrivé ça. Donc, Dom, ce soir, je te parle de Super Eyeball Pinball Platformer. Ben oui, tu me surprends avec ça, là. Développé et publié par Emberstone Interactive. C'est disponible sur PC et Mac. Donc, c'est un jeu d'ordinateur. D'ordinateur. J'avais ça dans mon ordi, là. J'ai plus l'affaire de Backlog, des fois, faut que je pars. Puis ça, c'est Matt Bonning qui me dit, hey, check ça, 2021 sorti, ça a l'air tight. C'est effectivement très tight. Donc, c'est un jeu qui mélange, comme le titre le dit, du pinball et du platforming. Ben, j'avais pas deviné ça, vois-tu. C'est assez rare que quand tu fais un jeu de plateforme que tu contrôles pas ton bonhomme, mais c'est le cas parce que tu dois faire aller la bille dans le décor. Donc, tu fais aller la bille. Tu fais aller la bille. Donc là-dedans, en fait, c'est un principe de pinball. Donc tu vas avoir des. C'est un chemin, en fait. Tu dois amener la balle d'un point A à un point B dans un genre de gros labyrinthe. Ouais. Qui va avoir un peu partout des flippers. Flipper rouge pour le gauche, flipper bleu pour le droit. Et la base, c'est ça, en fait. Fait que tu commences, puis il faut que tu te rendes au bout du niveau. Il va y avoir plein de pièges, là. Il va y avoir du feu, faut pas que tu tombes dans le feu. Il va y avoir des lasers, des fois, qui vont te bloquer. Puis plus tu avances dans les niveaux, ben plus ça devient complexe, puis plus on va te rajouter des mécaniques. Fait qu'à un moment donné, tu peux commencer à freezer ta balle. Genre, fait que si elle va très loin, là, tu peux la freezer, elle va tomber comme drette. Ouais. Hey, ça doit être utile en maudit, ça. Oui, là. Mais ça vient très mêlant rapidement, parce que là, faut que tu combines, genre, tes flippers, puis ton. Genre, le fait que tu freezes ta balle, puis tout ça. Après ça, il va y avoir d'autres trucs comme ça, qui genre de pod, fait que c'est des trucs ronds. Si ta balle va dessus, puis tu la freeze, elle rentre dans le pod, puis là, avec ton joystick, tu peux faire un 360 pour décider où est-ce que tu veux l'envoyer. Ouais. Il y a aussi des genres de spirales, là, des fois, on va peut-être le voir, le orange, là, qui tourne. Si tu envoies ta balle là-dedans, ça fait juste comme spinner. Il y a comme une direction, fait que c'est comme un flow, un wave qui dévie ta balle un peu, là. OK. C'est très bien, pour vrai. C'est le fun, c'est très addictif, c'est très difficile quand même. Là, ça vient tough rapidement, je te dirais. Là. Des freezes de balles, t'en as-tu tout le temps? Ouais, t'as pas de limite. Tout le temps. Ouais, tu peux arrêter autant que tu veux. Là. Okay. Parce que des fois, t'as pas le choix parce que ta balle, mettons, tu commences, t'as un respawn, il est en haut, puis ton truc est direct en bas. Faut comme ta freeze pour qu'elle stoppe, puis tu viennes la placer à la bonne place, ton bumper pour l'envoyer. Ouais. Fait que c'est beaucoup là, du coordination, puis bien l'envoyer, puis bien contrôler ta balle, puis bien. Faire les mouvements, c'est très bien. Bonne petite musique électro là-dedans. Là. Ah ouais. C'est 5 mondes de 5 niveaux. Fait qu'il y a 25 tableaux dans ça. Là, on peut voir, il y a des high scores. Je suis rendu au monde 5 de 5. Fait que je suis rendu au 22 sur 25. J'ai juste manqué de temps pour le finir. Là. OK. Il y a une couple de fois où je suis resté bloqué pendant quelques minutes parce que je ne savais pas comment le faire. Où j'étais comme, tu sais, tu tombes dans le trou. Puis là, des fois, on parle de colleux de balleux, il y en a dans le chat. Ouais, il y a des colleux de balleux, là. Exact, là. Simon Lahaye, il a bien aimé ça, cette expression-là. Je pense qu'il en parle beaucoup, mais j'aime ça qu'il en parle. Hey, c'est 5 à 1. Ben, on va le prendre. Bolduc vient de scorer. Hey, c'est bon, ça. Capote. Il y a beaucoup de d'essais-erreurs aussi, parce qu'il faut voir que tu te plantes pour voir le tableau, comment il est fait pour, après ça, bien réagir. Parce que des fois, faut que tu flippes ton bumper, mais non, faut juste que tu le laisses ouvert, puis ta balle, elle va comme glisser dessus, puis sauter un petit peu, là. Oui. Visuellement, c'est très beau. Hein? C'est comme futuriste, mais dans le désert. En vitre, reluisant, coupant. Ah, ça fait VR un peu, tu sais. Ouais, j'aime ça. Moi, ça me calme. Puis, tu sais, avant que ça commence, tu vois la map, là, ça se promène. C'est très, très bien, là. Ouais. Fait qu'il y a trois. Tu peux avoir trois pastilles quand tu finis un tableau. Fait que, tu sais, mettons bronze, argent, puis or. Niveau de difficulté, c'est comment? C'est dur à dire, là. C'est pas trop difficile, puis c'est pas trop facile. C'est challengeant, mais c'est pas impossible, je veux dire. Là. Au début, beaucoup plus facile, puis plus t'avances, plus ça devient difficile parce que ça, ils vont combiner plein d'affaires, puis il y a des raccoins. C'est bien balancé, donc. Très bien balancé. Comme t'es en train de le finir. J'ai joué 2h30, peut-être, puis je suis rendu quasiment à la fin. Là. OK. Comme je disais, tu peux avoir trois notes à la fin, là, fait que bronze, argent, war. Fait que ça va dépendre de ton temps que t'as fait sur la run. Ça va dépendre aussi du nombre de fois que tu es mort. Fait que tu as un nombre de morts X à pas dépasser pour avoir une bonne médaille, mettons. Ah ouais. Fait que des fois, tu es genre, meurs pas plus que 15 fois, puis tu meurs 28 fois. Là, ouais, ben ça. Mais c'est ça, ça arrive. Ça, c'est la rejouabilité. Exact. Puis quand tu finis le tableau, il débarre un B-mode. Fait que tu peux aller dans le B-world. Ça flippe. C'est les mêmes tableaux, mais avec des obstacles différents. Puis c'est un peu reconstruit. Fait que bien de la rejouabilité à ce niveau-là aussi. Là. Fait que c'est très, très bien. Là. Puis il t'enlève une coupe de colleux de balleux rien que pour rendre ça plus difficile. Ouais, exact. Ah, fucking avalanche, je viens de compter. Bon. Mais tu sais, c'est très rapide comme critique, mais c'est ça le jeu. C'est un platformer de pinball. Là. Fait que c'est... Ben oui. J'ai rarement vu ça depuis Sonic Spinball, je dirais. Là. ouais. Sauf que tu peux même pas, à ça, tu c'est pas la balle, tu contrôles. Ouais, là, tu contrôles rien de la balle. Tu peux pas la bouger du tout, la balle. Là. Non, non, c'est ça. Mais tu contrôles, je veux dire, tu y fais faire des c'est ça, des mais, effets. Mais tu l'envoies, mais toi, tu n'as aucun effet autre que de la. T'as un effet extérieur, toi, tu peux pas contrôler la balle ou comment elle va se déplacer, exact. En fait. Là, c'est ça. Il est bien pas bon, lui, qui joue. Ouais, exact. Là, mais il est pas bon, mais c'est difficile parce que. Mais c'est vrai, je comprends ce qui se passe. Puis ta balle, elle arrête pas. Tight quand tu fais des fois, elle a un genre de petit boom, tu sais, un petit délai avant ralentir, pas avant arrêter, là, fait que c'est, ça devient compliqué. Puis c'est souvent c'est que ce qu'on voit là, c'est ce qui va arriver, c'est que tu vas être pris dans une section contenue un niveau, puis c'est là que tu vas bloquer. T'es comme, calé, comment je peux le passer? Ouais. Tu vas aller, tu te rends plus loin, puis il y a des checkpoints dans le jeu. Fait que, ah oui, c'est ça, je l'ai te demandé. Ce qui aide beaucoup, tu peux les désactiver si tu veux, faites pas ça là, pour l'instant. Au début, là, mettez les checkpoints parce que c'est très utile, parce que des fois là, tu recommences un niveau complet. Ce qu'on voit là aussi, ça m'a gossé. Tu meurs 4-5 fois. Hey, veux-tu de l'aide pour le tu peux pas mettre ça off. Tu peux les activer là, dans le menu là, il faut que je le fasse parce que là, j'étais comme arrêté là, c'est très dur, fait que c'est sûr qu'on va mourir plus que 4-5 fois en ligne là. Il y a des trampolines aussi, comme tu vois, les affaires vertes là, ouais, ça fait rebondir la balle là, fait que c'est il sûr. Arrête la balle tout le temps, lui, il y a ben, bien un chien. Parce qu'il a, non mais il y a pas le choix parce qu'elle va trop vite, fait qu'elle va comme sauter par-dessus le petit ledge là. Il y a un chien de pareil. Ouais, oui, mais c'est dur parce qu'il faut que tu fasses passer, faut que tu l'arrêtes, faut que toi tu l'arrêtes ou à peu près là, tu sais. Ouais. Tu peux pas vraiment speedrunner ça, je pense. Parce que des fois, faut vraiment que tu l'arrêtes à des places précises pour passer dans des trous, là. Ben, je pense que tu peux en par cœur de m'emmener à fond. Ouais, mais je veux dire, tu peux pas juste comme, tu sais, y aller bumper, puis y aller. Ouais, faut que tu l'arrêtes. Parce que des places, si t'as des crevasses, puis c'est du feu de chaque bord, faut que tu l'arrêtes à la bonne place dans les heures qu'elle tombe dans la crevasse, là. Mm-hmm. Donc voilà, ça s'appelle Super Eyeball Pinball Platformer. C'est disponible sur Steam, Mac et PC. Et c'est très bon. Et pour toutes ces raisons, je vais donner moi aussi un 4 pommes sur 5. Des belles distributions de pommes ce soir. Ben, bien sûr, des belles crottes en PSO, pas ça qu'ils vont se faire. Mais j'ai beaucoup apprécié, j'ai eu bien du fun pour eux. Je cherchais de quoi à jouer, je suis comme, ah, c'est le fun. J'ai accroché direct quand je suis parti. Je suis, oh my god, que c'est bien balancé, bien monté, la physique est bonne, tout est parfait. Là. J'ai jamais été en maudit contre le jeu une fois là, en jouant. Là. Ok. Contre mes propres skills des fois, là, mais pas contre le jeu. Ben, tu vois, moi, ça va être tout l'inverse. Je vais vous parler d'un jeu contre lequel j'ai été en crise beaucoup. C'est vrai que Simon Lahaye, dans le chat, il dit que crevasse, ça rime avec glevasse. Moi, c'est ça que j'avais dans la tête aussi. Ouais, tout est dans tout. Alors, mon prochain jeu, mesdames et messieurs, c'est Castlevania Blood Moon. C'est pas facile de trouver une un cover. Ouais, ben moi, ma cassette, c'est pas ça qu'il y a dessus, mais j'ai juste une cassette. Bref, je vais l'expliquer après. Ouais. C'est développé par Red Rum et Red c'est Rum. Publié par Red Rum et c'est disponible sur NES. Et Red Rum est une personne qui fait des rum hacks de Castlevania. Celui-ci est l'un d'eux. J'en avais fait un autre que j'ai chez nous, d'ailleurs. J'ai oublié le nom, là, parce que c'est tous des titres à la Castlevania-ish, là, tu sais, affaires de compliquées comme titres, là. Puis Blood Moon, dans le fond, c'est une cassette qui est apparue ici chez RetroMTL dans le rachat. Mais tu sais qu'on n'a pas racheté parce qu'on rachète les bootlegs ou les ben, je sais même pas hacks. Si on peut... C'est un hack, mais c'est pas un homebrew. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que bref, on rachète pas ça, mais la personne a laissé ça quand même. Okay. Fait que ça, dans ce temps-là, ça va dans notre boîte de la honte des jeux qu'on revend pas parce que c'est louche. Mais je l'ai amené chez nous pour y jouer. Puis bon, alors, ce jeu-là... Ça répond à la question de Mr. Rat Super, là, c'est de jouer sa cassette. Là. J'ai joué sur une copie physique, puis tu peux mettre cette ROM-là sûrement sur ta pocket, en effet. Il y a Gortax1114 qui subscribe pour 2 mois. Let's go, les gars! Merci, Gortax! Gortax. Un gars avec des taxes! C'est Gortax. C'est super gentil et très apprécié. Merci beaucoup. Donc, oui, moi, je suis tombé là-dessus par hasard. Donc, quelque part sur Internet, il y a des cassettes de ça qui sont disponibles. Peut-être même sur eBay, j'ai même pas regardé, à vrai dire. Mais sûrement que vous pogniez juste la ROM et puis mettre ça sur votre pocket, en effet. Alors, il s'agit d'un jeu fabriqué avec des assets des, je te dirais, des 3 Castlevania sur NES. Et c'est un jeu... c'est ça. Et puis, ça c'est le niveau 2, en effet. Parce que là, c'est pas Méduse. Là, on voit un boss fight, c'est pas Méduse. Comme une mésarzan, ma Méduse. Fait, bref, c'est toutes les mêmes. C'est Castlevania. Alors, mais au lieu d'avoir l'Obénite, le Subweapon, c'est une bombe. Et puis, au lieu d'avoir un stopwatch, l'espèce d'horloge, un cap. Qu'est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il tire de l'Obénite demain? Je sais pas. C'est ton gameplay, je sais pas. Moi. C'est pas mon gameplay. Non, mais c'est toi qui me l'as envoyé. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il est fucké. Est-ce que c'est bon ou pas? Je sais pas pourquoi. C'est ça. Et puis, au lieu d'avoir des haches, c'est une espèce de faux. Le boomerang, ça ressemble à un boomerang. Et puis, tu peux avoir un petit 2 puis un petit 3 pour tirer plus de sub-weapon, mais là-dedans, c'est genre une petite bib, une grosse bib. Fait que bref, c'est les mêmes affaires, mais il rejoue avec les assets. Et puis, il rebâtit des monstres avec ça. Et puis, c'est ça. Puis le personnage principal, là, il est aux couleurs un peu de Simon dans Castlevania 2, mais c'est vraiment le sprite de Castlevania 1 avec pas de chapeau, parce que Trevor dans Castlevania 3, il y a une espèce de headband. Et puis, voilà, ça reprend les mêmes musiques. Il n'y a aucune musique qui est inventée. OK. C'est ça. Ce qu'il y a beaucoup dans ce jeu-là, par contre, c'est genre des escaliers cachés, ouais, des faux murs. On vient de voir ça, en effet. Puis, man, c'est dur, tu peux pas te guesser. Il n'y a pas d'indication qu'il y a un escalier, que tout à coup, tu peux peser par en haut, puis il va monter sur un escalier magique caché, là. Fait que c'est ça. OK. Mais, oui. Et puis, ce jeu-là est bourré. Ah, je vais dire la première chose, là, frappe quand tu joues à ça, c'est qu'ils ont ajouté le skill, si je peux dire, que quand tu fouettes en avançant, ton bonhomme, il glisse. Okay. Donc, tu peux avancer en fouettant. Ah, ouais, ouais. Parce que quand tu joues à Castlevania 8 bits de même, quand tu fouettes, ouais, le bonhomme, il arrête d'avancer. Mais là-dedans, que tu tires un sub-weapon ou que tu donnes un coup de fouette, tu glisses. Tu as une glissée de deux cases c'est environ. C'est appréciable. Non, c'est okay. Dégueulasse. Ça fuck tes réflexes ou c'est... Ben oui, parce que là, tu vois, il est sur le bord d'une corniche. Ah, puis là, il va avancer. Faut que tu arrêtes d'avancer. Faut que tu penses à arrêter d'avancer. Je comprends, parce que sinon, des fois, tu donnes un coup de fouette puis tu glisses dans le trou comme un épais. Ça t'arrive plein de fois, man. OK. Plein de fois. C'est très désagréable. Quel mauvais feature. Puis ça m'a presque fait abandonner au début. Ah, ouais, OK. C'est super dur, il y a des ennemis partout. Ça commence raide, là, des têtes qui flottent dans les airs non-stop. Ils te beurrent ça épais en tabarnak. Puis là, il faut que tu t'accoutumes à glisser de même puis à tomber dans le trou. Fait que c'est pas évident. Et puis, c'est ça. Puis non seulement ça, il y a des glitches. Comme à la fin, plus vers un niveau de la fin, il y a comme un genre de bloc-mur invisible là, dans un segment où est-ce que j'y arrive. Tu sais, c'est l'avant-dernier niveau. Def, c'est le boss de fin. Puis là, j'arrive pas à le tuer du premier coup que je me rends là. Fait qu'il faut que je le traîne un peu. Mais juste avant, il y a un segment de bloc invisible que c'est comme une loterie. Des fois, tu restes pogné dedans, des fois non. Puis t'as pas le choix de passer au travers. Fait que là, quand tu restes pogné dedans, t'as pas le choix de prendre un hit pour te sortir de ça. Fait que là, tu perds, tu sais, ça, c'est de la merde. Puis des fois, j'arrive à Def, justement. Puis la musique part toute, mais le boss est pas là. Fait qu'il se passe rien. Fait qu'il faut que je me tire dans le trou pour recommencer une vie. Ouais, c'est ça. Tu jammes dans des murs des fois puis des affaires de même. Donc, c'est crissement buggy là, puis fâchant. C'est un hack, fait que ça n'a pas été bêta testant en fou. Là. C'est pas optimisé, en effet. Là. C'est un gars tout seul qui fait ces affaires-là pour son plaisir. Là. Ouais, ouais. Alors, of course, là, ça manque définitivement de polish. Là, puis ça peut être très frustrant à ce niveau-là. Puis, comme je disais aussi, le jeu est très difficile comme étant... Chaque segment, c'est que de chaque niveau, c'est comme il y a du monde ici. Okay. Comment on va faire ça? Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses de cachées dans les murs. Okay. Beaucoup de life, des invincibilités, des power-ups, il y a toutes sortes d'affaires, puis des sub-weapons, ils t'en donnent beaucoup. Comme ça, tu peux en tester plusieurs, dépendamment de où est-ce que t'es. Puis là, si tu meurs, OK, alors finalement, ici, l'eau bénite, ça va le faire. Ben, les bombes, ça va le faire. Alors, j'y vais avec ça. Puis quelque chose que j'ai vraiment très apprécié, puis si jamais il y a un autre Castlevania du genre qui se fait un jour, il devrait prendre note. Quand tu meurs, il te laisse ton sub-weapon. C'est super intéressant. Il te le laisse même sur le game over. C'est très moins punitif. Ouais, ben, le stopwatch, là, comme quand tu le gardes, tu sais, d'un coup, t'es comme, c'est vraiment dur, ce segment-là. Fait que... Il te laisse. Fait que t'es capable d'avancer dans le niveau en l'utilisant beaucoup, qui est quelque chose que j'utilisais jamais dans Castlevania, moi, personnellement, parce que aussi, ça gobe 5 cœurs. C'est beaucoup 5 cœurs au lieu de juste 1. Et puis, c'est ça. Puis, by the way, ils te font commencer le niveau avec 30 cœurs aussi. Alors, c'est punitif, mais ils cachent des affaires, tu gardes tes items, puis ils te bourrent de cœurs en partant. Alors, ils te donnent un peu de chance quand même. Ils s'excusent. Puis ça, j'ai apprécié ça. C'est ça. Je te dis, ce jeu-là, j'y jouais au début, j'étais tellement frustré. C'est buggy, man, c'est tough. Je glisse, ça me fait chier. Puis finalement, mon plaisir de petit gars qui essaye de faire un jeu difficile, Castlevania. Mais là, à cette heure, je suis très bon, alors c'est plus rien pour moi, les vieux Castlevania. Mais j'y ai beaucoup joué. Puis là, c'était comme si je revenais à un Castlevania qui me donnait le même challenge que quand j'étais petit, tu comprends? Mais parce qu'il est un peu brisé et tout ça. Mais il fallait que je m'arme de patience, je recommence les niveaux. Puis veut pas, ça demeure Castlevania. Alors j'ai du plaisir quand même, tu sais. Ah, alors j'ai tout revécu ces plaisirs-là en jouant à ça. Puis c'est ça. Donc, puis entre les niveaux, ben, tu vois la map du château, puis il te montre ça, puis il y a 6 niveaux peut-être, 6-7. Le boss de fin, c'est carrément Dracula du premier Castlevania. OK. That's it, pas de surprise là. Et mais, tu sais, mettons, il rajoute des plateformes, des affaires. Mais c'est exactement ça que c'est. Alors, c'est ça. Donc, je sais pas comment vous dire... Monseigneur Neveu est là. On n'a pas joué au WEG à ça. Oui, on a joué Monseigneur. Et puis, j'ai pas joué longtemps parce que je suis allé jaser. On avait commencé. Nick Chalifou a continué la game. Puis, il l'a pas mal avancé. Donc, peut-être je jouais avec lui. Mais moi, j'avais quitté le projet. Puis, j'allais dire que j'allais revenir. Puis, finalement, je me suis perdu en discussion avec d'autres personnes. Fait que je suis pas revenu. Mais voilà. Alors, bref, je sais pas comment vous dire où vous achetez ça. Allez sur Internet, fouillez, trouvez ça. Puis trouvez ça, puis mettez ça sur votre pocket si vous voulez du Castlevania. Mais soyez avertis, c'est challengeant, puis c'est très frustrant parce que des fois, c'est juste... C'est broken, c'est le jeu. Ça sera pas de votre faute. Donc, je vais donner, JF, 3 pommes à ça. Parce que ça mériterait d'avoir énormément plus de polish. Ouais. Tu sais, le gars, il a rien réinventé, vraiment, tu sais, pis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas un grand jeu, là. Mais c'est un moment plaisant. Finalement, j'ai eu du plaisir, puis je vais garder cette cartouche pirate chez nous, dans ma collection. Cool, c'est cool. Yep. Bon, on arrive peut-être à des fins de toune quand c'est pas le temps. Il faut que je fasse du temps parce que je veux monter la musique. Ben là, en même temps, t'as pas besoin parce que. Oui, mais j'aime ça avoir une transition, par exemple, sur le fun. D'ailleurs, avant qu'on passe au prochain segment, quelqu'un sur YouTube a demandé si on pouvait faire des chapitres sur YouTube. Je vais me mettre là-dessus. Ça se fait pas automatiquement? Sur Spotify, oui. Pas sur YouTube. Faudrait que je check s'il n'y a pas un petit quelque chose d'automatique qu'on pourrait faire. Ça serait une bonne idée là, quand même. Me semble j'ai eu une notification de YouTube qui disait qu'il faisait des automatiques chapters. Ah ouais? En tout cas, à vérifier. Faut peut-être désactiver en ce moment-là. Mais je vais regarder ça de bord. Check ça. Ça s'active. J'avais regardé, puis il me semble que j'avais vu une affaire en FN que c'était fait par défaut. Ou peut-être qu'ils nous le disent là puis que ça va se faire bientôt. Je vais regarder ça, sinon je les ferai à bras. Là. C'est pas compliqué. Je vais aller dans Spotify et prendre le même timing. Là. Ah, ouais. Ben, ça rajoute l'ouvrage là, en même temps. Ouais, mais c'est une petite affaire de plus. Mais si le monde il demande ça, c'est parce qu'il y a des segments qu'ils veulent skipper. Là. Ou ils veulent aller directement au segment Tarifdion ou Collection, je sais pas. Là. Mais skipper rien. Skipper rien, c'est tout bon. Là. On se tue à l'ouvrage pour vous autres. Là. C'est ça. Fait que, parlant d'ouvrage... Allons-y sur un excellent segment. Exact. Battery! Alors, on le rappelle, le tout nouveau segment Atari Vision, mesdames et messieurs, qui a fait son apparition au dernier épisode, est un court segment où est-ce qu'on présente un jeu Atari et un jeu Intellivision. Ouais. Peut-être des fois, ça va être deux de l'un et deux de l'autre. J'ai pas compris que c'était un de chaque. Là. On présente c'est comme un on vieux veut. Jeu dans ces consoles-là. Il n'y a pas de règles. C'est un jeu que ça nous tente, toi puis moi, exact, chacun de notre parce bord. Parce que c'est ça. Là. Cool Poo qui demande si on va inclure Collectivision. Les ColecoVision qui veut dire. C'est ColecoVision, je pense pas. Là, ben, c'est parce que Jeff n'est pas équipé, quoi qu'il y ait une pocket. Mais vous savez, les jeux Intellivision et ColecoVision sur la pocket, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de keypad. Mm. Et puis, tous ces jeux-là ont besoin de keypad. Coleco. Mais peut-être. Éventuellement, mais il y a tellement de stock à couvrir déjà là qu'on on est loadé. Tu sais, on y va avec ça parce que Jeff a tout ce qu'il faut à maison. Et moi, j'ai tout ce qu'il faut à maison. Moi, j'ai tout le Coleco aussi. Puis, j'ai pas tout ce qu'il faut hein, pour Atari, mettons, mais j'en ai quand même une couple. Ben, c'est ta pocket, t'en as un méchant. Ah, pour la pocket, oui, effectivement. Là. Ouais, c'est ça. Effectivement. Alors, on y va avec ça, puis on verra. Ça va peut-être venir. Ça va peut-être venir plus tard. Là, on appellera le segment Atarolision. On va demander à GPT de nous brainstormer ça. Là. Exact. Tu commences? Ben oui, commence donc. Je vais commencer, Dom, cette semaine avec Beauty and the Beast sur Intellivision. La Belle et la Bête, oui, un jeu de Imagic. Attention, ce n'est pas La Belle et la Bête de Disney, c'est La Belle et la Bête d'avant. Le film. Oui, c'est Horrible Hank, le gros genre de singe bête en haut là, qu'on voit. Là. Mais on dirait un humain. Ouais, ben c'est la bête, c'est pas une bête, c'est un humain aussi, je pense, là. Mais c'est pas pensez pas Beauty and the Beast là, de Disney, c'est autre chose. Là. Ben, c'est Donkey Kong. C'est ça, parce que, tu sais, là, je regarde le but, je suis comme, c'est plus King Kong, là, genre sur le gros building en haut que... Ouais, c'est ça. Que La Belle et la Bête. Fait que dans ce jeu-là, on joue un bonhomme qui est en bas d'un building. En fait, l'écran principal, c'est qu'on voit une tour là, qui devient de plus en plus étroite vers le haut. Exact. Il y a 11 étages à monter, total. Ah ouais, hein, c'est beaucoup. Ouais, quand même. Puis à chaque fois qu'on va clearer un étage, le building qui est jaune va devenir rouge. La section que tu clears devient rouge. Oui. Bon, évidemment, c'est un jeu à high score parce que Intellivision, c'est fait pour avoir le plus gros score possible. Donc là-dedans, on va avoir notre building qui va avoir tout le temps 3 à 4 étages par section. Faut se rendre en haut, aller toucher au bonhomme. Dans le fond, aller toucher à la fille. À la bête. Il n'y avait même pas remarqué qu'il y avait la fille dans les mains. Ben oui, là dans les mains. C'est vrai. Il a squeeze. Puis elle essaie de sortir de là. Hein, oui, c'est bien fait en plus. Fait qu'il faut se rendre à son étage simplement. Puis lui, il tire de la merde. Donc, pour monter à l'étage, c'est que tu vois des fenêtres qui vont s'ouvrir et se fermer une à la fois. Quand une fenêtre s'ouvre, c'est là que tu peux monter sur la fenêtre qui est ouverte. Exact. Si elle se ferme pendant que tu montes, tu vas tomber. Ah oui, ah ça, je savais pas par contre. Si elle ferme au complet pendant que tu arrêtes de monter, tu vas tomber. Ah, ok, ok. Fait que des fois, t'es mieux d'attendre que la prochaine fenêtre s'ouvre pour monter plutôt que de redescendre. Et oui, il va te garager de la crap d'en haut. Donc, il va avoir des genres de boules de bowling qui vont descendre. Des un peu de façon aléatoire, puis qui vont inverser leur direction à chaque étage qui vont descendre. Là, on voit. T'es rendu en haut, là. T'es rendu en haut, puis là, t'as le petit avion qui vient te chercher, qui vient vous chercher en fait là. Ouais. Qui vous pogne par en dessous, je sais pas quoi là. Et c'est un jeu qui finit pas là, fait. Tu recommences, fait que c'est un jeu de high score. Oui, je parle des ennemis là, il y avait là tu vois là, il y a d'autres ennemis genre les boules se cassent en deux petites boules qui vont très vite là. Plus t'avances, plus il garoche de la merde, plus c'est difficile. Il y a des chats aussi. Il y a des chats qui passent, il y a des oiseaux qui vont comme monter, descendre, qui sont un peu tough à éviter aussi. Tu peux sauter par dessus les ennemis. Oui. C'est le seul contrôle que tu as autre que de monter, puis de bouger gauche-droite, c'est de sauter. Tu peux sauter droit en restant statique ou en avançant aussi, ce qui est bien. Ouais. Bon, le gros défi du jeu, c'est la manette des télévisions. Là. ça sera toujours ça. Mais c'est quand même le fun, pareil. Puis ça se maîtrise quand même bien. Puis tu as des cœurs aussi qui sont droppés des fois. Si tu pognes le cœur, tu flashes pendant. T'avais pas remarqué que c'était la fille qui t'envoyait des cœurs? Non, j'ai regardé juste mon bonhomme, moi. Je n'ai même pas regardé ça. Ben oui, c'est vrai, la fille t'envoie des cœurs. Fait que là, si quand tu pognes le cœur, tu deviens invincible quelques secondes. Donc tu peux péter les projectiles, les boules, les trucs qui sont envoyés à toi. Elle va donner 50 points du truc qui est brisé. Fait que ça vaut la peine de le faire. Oui, oui, parce que jeu à espoir. Puis je pense que quand tu sautes par-dessus quelque chose aussi, tu te pognes des. Ah, non, je m'allais dire ça, puis on l'a vu, puis c'est non, là. Puis là, il y a 4 étages par section. Ouais. Puis là, mettons, t'es sur l'étage 3, puis tu reçois une boule de case à la tête, tu vas redropper à l'étage 1. Non, tu redroppes à. Si t'es monté dans, mettons, là, tu vas redescendre à ton étage où que t'es. Exact. Puis là, si tu te fais retoucher, par contre. Ah, tu veux dire dans la section dans laquelle dans la section dans laquelle tu dans un écran, si t'as 4 étages à monter, puis t'es au troisième, tu prends une boule, tu tombes au premier de cet écran-là. Exact. Mais chaque fois que tu prends un hit, tu tombes au premier. Tu tombes jamais en bas de l'étage que t'as déjà clearé. Non, tu décèdes. Tu décèdes, ouais. Exact. Exact. Fait que t'as une chance. C'est comme une. Quand même. Exact. Tu retombes tout le temps, à tout le moins, sur l'étage du bas du niveau que tu es dedans. Sinon, on dit c'est copié sur King Kong, oui. Oh, carrément. Puis c'est quand même joli là, pour l'Intellivision, parce que là aussi, à chaque fois que tu claires un étage, c'est une cutscene qui te montre. Ben, tu l'as dit. T'as un avion en L'avion haut, passe, il y a une ville dans le background, puis tout. Le gars qui arrive en haut, t'as comme 3 étages, il va en avoir 4 ou 5. Puis ouais. Des fois, t'as 3 fenêtres, il va en avoir 4 ou 5. Ça va varier un peu. Là. Exact. Puis là, en bas à droite, t'as le nombre de runs que t'as fait. Fait que là, les gars, ils rendent à sa deuxième run d'avoir complété. Exact. Moi, j'ai fait 3300 points en une run, donc je suis meilleur que ce gameplay-là. Ben oui, t'es tellement bon. Mais non, quand j'ai fini, je suis comme « Yes! Ah, ça repasse! » Et Chris, ben ça, ouais. Ça une chance. Ça imagine dans le temps, t'achètes ça à 80$, tu finis ça en 5 minutes. Mais ça vient quand même difficile dans la deuxième run. Je sais pas si la troisième run, c'est encore plus difficile. Je pense que ça va juste plus vite, là, mais ouais. Pour vrai, c'est un très bon jeu. J'ai bien du plaisir à jouer à ça. On a joué chez vous en fin de semaine un peu. Ben, Jim, dans le chat, il dit que ça a l'air quand même bon. Ce qui me rappelle, en effet, que je vous ai invité à la maison en fin de semaine. Il y a eu toi, Martine... Et Kevin. Et puis là, à chaque fois qu'on va gamer chez un ami de la gang, il faut tout le temps jouer quand même aux affaires que cet ami aime. comme chez Eric, ben, il nous sort sa Xbox, ses affaires, pis ses jeux louches. Là, il y a eu chez Fred, je l'ai raté, celui-là, mais il venait d'avoir sa 64 DD, ouais, fait ouais. que là, ça a été une soirée 64. Fait que là, chez nous, c'était une soirée pré-NES, fait que c'était Atari Intellivision. Puis finalement, t'as amené ta Sprint chez nous, fait qu'on l'a branché. J'avais monté ma cathodique en haut, fait que c'était comme... On avait deux screens en même temps, là. J'ai fait des stories tout plein là-dessus aussi, vous avez peut-être vu. Fait que bref, puis moi, je pensais qu'on allait jouer à ça un peu, là. Oh, non, une heure. 6 heures. On a fait que ça, là. On a juste joué à ça. À un moment donné, on avait des jeux, genre Atari Télévision, le même jeu, puis on le jouait en même temps sur les deux consoles pour comparer. Là. Exactement. Fait qu'on. Pour le prochain épisode, en quoi qu'on a un invité, peut-être l'autre d'après. Il y aura des segments Atari Vision avec des jeux, des deux consoles. Ça va être le même jeu qu'on va comparer sur les deux. Là. Exactement. Ça va être fourette. Mais c'était le fun, puis même ton gars a joué avec nous autres, là. Ouais, exact. Ah, on a vraiment eu du gros fun. C'était quoi le jeu qui avait les machines? J'ai jamais vu un enfant être aussi peu impressionné. Ah, regarde le jeu, il y a des gros machines! Ah ben c'était Thunder Castle. Oh, ça faisait le title. Ah, regarde, gros machines! Ah. Moi j'ai comme tout envie de réaliser pas, tu sais, qu'est-ce que c'est là? Check-le! Ah ouais, non, c'était pas impressionnant pour lui. Mais il aime ça, il est bon public. Non, non, il reste avec nous autres la soirée, là, puis il joue à Dragster, c'est le fun. Exact. Fait que moi, mon jeu, GF, oui. Il s'agit de Egomania sur Atari 2600. Ah, yes. C'est un jeu développé et publié par US Games. Et puis, c'est un jeu qui joue avec le Paddle Controller. Ah, très le fun avec le Paddle, d'ailleurs. Oui. Donc ça, c'est une manette avec une petite roulette dessus que tu tournes à gauche puis à droite, tu sais, pour déplacer. C'est un spinner qui a un bouton sur le side, là, aussi. Exact. Déplacer ton personnage de gauche à droite. That's it. Et puis... Un personnage qui est bleu avec une assiette sur la tête. Là. Ouais, c'est ça. C'est quoi exactement? C'est comme un nounours spatial puis un oiseau spatial, du moins, sa cassette. Ah oui, sa cassette. Ah ouais, j'avoue, j'ai pas pensé à regarder la cassette. Ouais. Et puis, bref, si vous avez joué à Kaboom, c'est le même principe. Donc, l'oiseau court en haut sur un axe horizontal et puis il chie des œufs. Puis toi, tu cours de gauche à droite en bas avec ton gros chapeau, ton bol sur la tête pour attraper tous ces œufs-là. Et puis, si jamais tu droppes un œuf par terre, il y a une couche de jaune qui se crée à tes pieds. Puis à chaque œuf que tu vas dropper, il va avoir de plus en plus de jaune qui va couler à tes pieds jusqu'à ce que tu nailles dans le jaune. Nailles dans le jaune d'œuf. Exact. Alors, c'est ça qui se passe. Puis, ce qu'il y a d'intéressant, par contre, c'est que après chaque round, mettons, t'as fini de catcher tous les cocos de l'oiseau, ouais. Ben là, c'est toi, man, qui deviens la menace. L'oiseau, il se met à courir comme un fou en haut, dans tous les sens, puis tu y repitches ses œufs. Tu pèses piton, puis là, tu tires. Ça devient un schmuck, ben un Galaga, tu sais. Ouais, fait que tu cours après lui pour le tirer, puis quand tu réussis, ben là, comme, il perd toutes ses plumes, il tombe en bobette, oui, puis il s'envole. C'est très, très, très drôle. L'oiseau, il est super bien animé, c'est vrai, pour hein? vrai, là. Puis, la musique aussi, c'est... quand c'est toi qui l'attaques, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle, cette mélodie-là. Là. Celle-là. Exact. Puis le son effet qui est cool, tu sais. Alors, non, c'est très bien pour un petit jeu de même. Là. Exact. Et puis, il y a un niveau de difficulté qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire que tu peux avoir un chapeau beaucoup moins large. En fait, il fait la largeur de ta tête. Okay. Parce que là, il fait à peu près le double de la largeur de ta tête. Et la moitié de chaque bord de plus. Là. Exact. Alors, pour ceux qui aiment la difficulté, vous pouvez faire ça. Le Danube bleu. Glevas, il dit. Je sais pas ce que c'est, un Danube bleu. Merci. Désolé. Alors voilà. Carl Le Duc est dans le chat. Carl, salut, qui dit que Kaboom sort de ce corps. Ah, le Danube bleu, c'est la toune. Ah, c'est la toune, le Danube bleu. Voyons donc. Ouais, à chaque jour, on apprend du sac. On apprend des affaires, ça. Carl Le Duc est amateur de jeux de cette Akabi, de jeux Atari et des vieilles affaires. Alors, il a mentionné qu'il appréciait chaudement ce genre de segment-là. Ben, il y a eu que des bons commentaires sur le segment oui, d'Arivision, donc tant mieux si le monde embarque. Exact, dans cette chose que personne aime. On va les avoir à l'usure, le monde entier, Jeff. Ah ouais. Tu vois, même Martine est venue samedi, puis elle est repartie de là. Elle a dit, ouais. Hey, j'ai appris plein d'affaires. Martine a dit, finalement... On vend du rêve, là. C'est ça. Elle voit plus les jeux dans le rack de la même façon ici. Elle a eu du fun. Il y a des affaires qu'elle comprenait. Il y a du challenge. Mais je sais pas quand je dis j'ai du fun avec la télévision, la Atari. Je le fais chez nous puis j'ai du plaisir pour vrai. Ben oui, exact. C'est le fun. Des petites games rapides, là. Ben c'est ça, là. C'est pas le nouveau God of War qui vient de sortir. Non, là. Mais quand t'es très occupé dans la vie puis tu veux gamer 15 minutes, tu peux te mettre ça puis jouer 15 minutes puis t'es très satisfait après ça puis tu travailles ton high score. Exactement. Steph Talbot qui dit que ça donne le goût d'acheter un Atari. Oui, monsieur. Alors, voilà. Alors, écoute, c'est tout pour le segment Atari Vision d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu tous bien du plaisir et de l'agrément. Ben, de l'agrément. On est dans les temps ce soir. On est dans les temps. Et on continue en force avec les questions du public. Hey, la toune. Ici, j'ai une question de Olivier Rousseau. Je l'ai pris en photo, cette question-là, okay. Parce qu'il l'a posée à une place que je ne vais jamais voir d'habitude. Puis là, c'était peut-être genre sur TikTok ou je sais pas quoi. Fait que là, vu que je l'ai sous la main, je vais répondre à ça. Question pour le podcast. Est-ce que ton Stadium Event, c'est CIB, complet en boîte, ou as-tu seulement la cartouche? Et à combien évalues-tu sa valeur aujourd'hui si tu décidais de le vendre? Donc, Stadium Events, gros jeu NES qui vaut cher, que je possède. J'ai juste la cartouche, bien sûr. Je l'avais acheté 16 000 à l'époque. Et puis, ça fait genre 2022, là, je pense. Fait que ça fait quand même 4 ans que je possède cette affaire-là. Et puis, je pense que sa valeur doit monter, mais je pense pas qu'il en vaut 50. Là, t'sais, d'après moi, tu sais... Il en vaudrait 20-25, là, je pense. T'sais. Mais, encore une fois, ça vaut juste quelque chose si quelqu'un est prêt à te l'acheter. Présentement, là, l'économie est à chier. Le monde entier, man, a la chienne de Trump. L'épicerie coûte cher. Tout est dégueulasse. Je pense pas qu'aujourd'hui, je réussirais à vendre ce jeu-là demain matin, même à 16 000 si je l'affichais à 16 000. Il faudrait vraiment trouver le bon acheteur. Ouais, effectivement, alors, combien il vaut? Mode dire, ça dépend. C'est variable. C'est variable. Faut que tu trouves la personne. Ouais, c'est surtout ça. Là. Exact. À ce prix-là, c'est des gros investissements. Là. C'est ça. Fait que le jour où est-ce que je vais me débarrasser de tout ça, et ce n'est pas demain la veille, peut-être genre quand je vais voir que ma mort approche puis je ne veux pas laisser ce fardeau-là à mes enfants, j'espère... Ben là, ça va être quoi 20 000 piastres dans 40 ans? Si je me rends, bien sûr, à 86. Ouais. Mais je pense pas. Mais je sais pas combien ça va valoir rendu là. Mais bref, toute chose vaut ce que les gens sont prêts à payer pour. Puis ouais, s'il y a de la demande. Et c'est l'offre et la demande toujours. Alors, c'est ça. Mr. Rat qui dit s'il y a un Stadium Event qui apparaîtrait chez Retro MTL, on ferait quoi avec? On essaierait de le vendre en consigne, mon ami. Parce que c'est très difficile à vendre. Ben, je pense que ce serait ça qu'on ferait. Parce que c'est difficile à vendre, tu sais, des jeux de ce prix-là. Ouais, là, ouais. Parce qu'il faut trouver l'acheteur. Alors, c'est sûr qu'on le voudrait. C'est quoi exactement à vendre la consigne? Ben, si, mettons, toi, tu nous le laisses. On s'entend sur un prix et qu'on veut l'afficher. Toi, tu dis, je vous le laisse. Je veux le vendre 20 000. Parfait, nous autres, on va se prendre... Tu vas payer à la vente, genre, dans le fond? Exact. On va le vendre 20 000, puis on va se garder une cote d'un pourcentage qu'on est d'accord ensemble. Okay. Ainsi, nous autres, on n'investit rien. Parce que 16 000 piastres, ces tablettes qui traînent, c'est beaucoup d'argent qui se fait pas réinvestir dans la compagnie. Ouais, exactement. C'est de l'argent qui dort pour nous autres. Ouais, là, clair, là. Mais je voudrais vraiment qu'on l'aille, par contre, parce que c'est de la belle pub, tu sais. Puis, d'un autre côté, toi, en faisant ça, ben ça te donne... Nous, on t'ouvre un très vaste univers de gens qui nous connaissent. Et tu sais, on a du reach. Bon, ouais. Fait que t'as pas mal plus de chances de réussir à trouver un acheteur avec nous aussi. Par contre, là, il y a les taxes sur 16 000 $ faut en tenir compte. C'est vrai. Fait qu'en tout cas, tout ça serait à discuter très certainement, mais oui, c'est sûr qu'on le voudrait, là, absolument. Hey, c'est beaucoup les taxes sur 16 000 $ là. Ouais, c'est combien, non? Calculez ça dans le chat. Mais ouais, je sais que Giz, ça l'intéresserait certainement. C'est la personne que j'irai voir en premier si un jour je veux le vendre. Même qu'il m'en a déjà parlé. Mais il m'a pas dit « Veux-tu me le vendre? » Mais il dit « Asti, en tout cas, si jamais. Asti. » Et c'est ça. Alors, deuxième question de Olivier Rousseau. Selon toi, quel serait l'impact des Doritos sur l'ambiance et la difficulté de Castlevania? C'est une drôle de question. Des Doritos dans Castlevania? Ça se peut répéter la question? Quel serait l'impact des Doritos sur l'ambiance et la difficulté de Castlevania? Sur Malade. Fait que dans les murs, il y a des Doritos? Ah, je sais pas. Je pense que c'est peut-être en mangeant des Doritos, c'est quoi l'impact? Ben, l'impact, c'est que tu vas avoir les mains bien graisseuses puis tu vas moins entendre la bonne musique. Là. Exact. Puis oui, quand tu vas croquer Doritos, tu entends moins la musique. Fait que ça, c'est pas le fun. Puis tu vas beurrer ta manette, ça, c'est pas le fun non plus. Mais mettons qu'il y avait des Doritos dans Castlevania, ce serait quoi le power que tu pognerais? Oh my God, d'avoir un gros bedon. Tu lances du orange, un mist orange. Des triangles pointus. Comme... Ah, s'il y a une pluie de triangles de métal qui tombe. Ah ouais, au lieu, au lieu d'avoir le, mettons, le flash de dagger là, dans Symphony of the Night, que t'envoies plein de dagues en malade, c'est des Doritos, tu sais. Ah, ça serait il malade. Il y a un sac... J'ai des Doritos qui s'en vont. Oui, il y a une autre attaque spéciale comme ça, une pluie d'eau bénite, mais là, ça serait une pluie de Doritos. Ah, tout ça, ça se pourrait. Ah, hey, Doritos, faites un jeu. On attend ça de pied ferme. Alors, on s'en va dans Instagram avec les frères Fréchette. Tom Fréchette, le premier. D'après moi, Patrick Laine, il va en scorer 20 à son retour au jeu. Ah, ça, là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Laine de merde? Il est revenu à soir? Je pense pas. Non. J'ai pas regardé. Non, mon gars me l'aurait dit. Il est sur le bord de revenir, là. Ouais. Là, il y a bien du monde qui sont comme, ils vont le mettre ça à un. Ah, avec, tu sais, faire la job de Caulfield. Qu'est-ce que tu fais avec Langley, là, en ce moment, là? Aïe, lui, c'est sa dernière chance, là. Dans la ligue, quasiment, ou d'avoir un bon contrat. Ouais. Mais c'est une merde. Il est pas motivé, ce gars-là. Non, puis il vaut rien. Il vaut plus rien. Ça vaut rien. Mais c'est un excellent joueur de hockey quand il se force, mais il se force pas. Il se forcera jamais. Il aime pas ça, le hockey. Là. Mais on a réussi à démontrer qu'il est capable de score. Dans le chat, on dit Kirby Dack joue du Chris de hockey à soir. Je suis un peu surpris. Je suis surpris, moi, avec. Il s'est pas blessé? Ah, ben, il est revenu depuis deux games. Hein. Il s'est battu, puis il s'est comme pété un doigt. Là. Non, mais il est revenu depuis deux games. Mais l'autre game d'avant, il était bof, mais tant mieux à soir s'il joue. La pour game qu'il est revenu, il a reçu un slap shot sur la jambe, direct, la première game. Ah, ouais. Je m'en rappelle, j'ai eu peur. Les trois affaires qui sont tout le temps steady dans la vie, la mort, les impôts, Kirby Dack puis Ryan Backer se blesse. Ouais, Ryan Backer, ça m'a jeté à terre. Colin encore. Mais ouais. Laine, ben peut-être on pourrait l'essayer à tout le moins ça. On voit que ça. Tu peux l'essayer, mais tu le débarques rapidement si ça fait pas le job. Genre dans le match, là, parce que tu peux pas avoir un gars de même sur le back. Le team est bon, puis les jeunes sont motivés, puis t'amènes un gars qui est pas motivé dans les clubs, ça détruit. Ce gars-là ne cadre pas dans la mentalité du CH en ce moment. Exactement. Fait qu'il faut pas qu'il. Mais je pense que la mentalité est forte, là, puis c'est pas lui qui va déteindre ses autres, c'est les autres qui vont l'exclure, tu sais. Puis si ça, c'est pas. Ouais, ou l'exclure ou le motiver, puis si ça, ça le motive pas assez à performer, ben là, on est pas tant là. Ça, mais il y a peut-être un club de bord de faire. Des clubs de playoff qui va. Non, mais qui va, avoir besoin de quelqu'un sur powerplay, sharpshooter de même, ça va être sa seule job, mais merci, bonjour. Puis on serait bien chanceux de l'échanger pour ça. C'est sa dernière année de contrat. Exact. Fait que. On verra bien. Mais là, il y a un trou de monde. Là. Ça, oui, puis je sais. Ça pousse vers le bas. Là. On peut tout sortir Gallagher des fois. Ouais, ben, on est tous d'accord. J'adore Gallagher, là, mais il y a un piano sur le dos. Là. Mais ça me gosse, c'est tout le temps devant le net, puis c'est tout le temps lui qui essaye le plus. Ah ouais, mais Chris, il réussit pas. Fait que, non, c'est peu. Ça, là, fait que, tu sais. Faudrait racheter son contrat. Mais ça, c'est-tu impoli de faire ça? Je sais pas, mais en même temps, c'est parce qu'il y a un contrat qui a pas de bon sens à Gallagher aussi. Ah, mais on s'en calisse, tu sais. On a l'argent. Là. On le rachète, puis au moins, mais on a plus d'impact. Faudrait le racheter d'un commun accord. Là. Je voudrais pas. C'est je vais pas vous l'insulter, ce gars. Faudrait pas que ça l'insulte. En même temps, qu'est-ce que ça fait, là? Si mais s'il est team player, il devrait comprendre aussi que le contrat qu'il y a présentement, c'est Bergevin qui l'a octroyé, puis c'était ben trop cher. C'est ça. Parce que c'était clair qu'il allait être en descendant. C'est sa dernière année, là. Je peux pas croire. Là, puis, non, mais il aurait jamais dû avoir autant d'argent pendant toutes les années de ce contrat-là. Tu payes pas un gars plus cher pour service rendu, ça fait aucun maudit sens. C'est ça que Bergevin a fait. C'est ça. Puis ça, on l'avait chiolé au sort du podcast dans le temps, là, aussi, que c'était un rapport. Ben oui, là, ça avait pas de style de rapport de faire ça. Fait que. Qu'est-ce que vous faites à date de transaction si on est dans les suites de Ken Hughes? Je serais très prudent, moi. Ouais. Je ferais bien attention. Je n'irais pas détruire le corps de l'équipe. Non, ça, c'est puis sûr. Pendant longtemps, on est comme, faut prendre le deuxième centre, faut le deuxième centre. Kapanen fait la job pour l'instant. Je touche pas à Kapanen, moi, pour l'instant. Non, c'est ça. Je pense que je toucherais à rien, moi, non plus, pour le moment. Pas encore. L'année prochaine. Si il y a un bon deuxième goaler, j'irais peut-être chercher quelque chose. Là, mais. C'est vrai que je traderais peut-être un goaler. J'aimerais, tu sais, parce que c'est, mais là, c'est en même temps, Fowler qui va s'en venir. Ouais. Mais ça va prendre un bon deuxième à Fowler aussi. Ça ben là, ils ont mis le coach des gardiens dehors. Mais ça là, ils ont remonté le gars de Laval qui est excellent. Oui, parce qu'il y a une affaire qu'on avait constatée aussi, c'est que souvent le coach des Canadiens de Laval était très bon, puis il avait des techniques super modernes, puis t'arrives dans le Canadien, puis il y a des vieilles techniques, puis il cassait la technique. Fait que là, les gardiens venaient à Montréal s'éteindre. Mais là, qui va aller à Laval pour... Carey Price. Ça, pas notre problème. Non, ben c'est ça, fait que c'est bien. C'est intéressant, j'ai hâte de voir ça. Fait que le Marco, je sais pas quoi, là, qui monte. Là. Ouais. Non, tout le monde était content de ça, en effet. L'autre frère, Antonin Fréchette. Monsieur Rat. Jeff, as-tu parlé de ta liste de jeux à jouer en 2026? C'est quoi ta liste pour la Nintendo 64? Ah, mon Dieu, toutes. Il dit tu as parlé de ta liste de jeux à jouer, mais de 64, ouais. Je n'ai pas de 64 de prévu en ce moment, mais je vais les jouer parce que je vais faire ma collection que j'ai déjà. Là, mais, tu vas faire ton enfance. Ouais, je vais jouer, tu sais. Je critiquerai pas Ocarina of Time, là, ou genre Mario Kart, ou GoldenEye, là, c'est trop connu. Là. Tu vas pouvoir faire Robotron 64. Oui, je pourrais le faire, effectivement. C'est très bon, d'ailleurs. Oui, ben je c'est Robotron, là. Je pense que je l'ai jamais joué. Je l'avais acheté, puis j'avais jamais joué avec. Donc, je vais l'essayer. Robotron sera peut-être dans les critiques, oui. Là. Sinon... Hey, Chris, ça serait-tu notre premier jeu de 64 au Papa Cassette? Je pense que oui. À Rétro Nouveau, pendant 10 ans, on a certainement fait, là, mais un par année, là, genre. Pas tant, là, me semble. C'est ça. Fred en faisait, par contre. Des fois, il en faisait. Ouais. Faudrait checker, y a-tu des bons schmops sur 64, je sais pas, là. Il y avait Star Soldier, machin, Fred l'a fait. Mais pour mes critiques de 64, vont être un peu comme mes critiques d'Atari, c'est je vais venir au magasin, puis je vais me prendre de quoi m'amener, là. Je veux magasiner, c'est je vais avoir de quoi collectionner un peu, là, sans vouloir faire un full set, je veux trouver des jeux, fait. C'est vrai que je critique le jeu, le Beetle Adventure Race. Là. Ah oui, Eric a joué à ça à côté. Il l'a fini. C'est malade, il a fini ce jeu-là. Canadien vient de scorer 7-3. Des ailes de poulet demain. Il y avait une deuxième question pour moi. Qu'est-ce qui s'en vient pour la collection en 2026? En ce moment, c'est le GF Cassette Show, c'est lui qui achète. C'est vrai que j'achète pas beaucoup de cassettes. Je fais juste ajouter des jeux Switch. Pour être franc, là, on vient de racheter une très grosse collection, très, très grosse et très belle collection Atari 2600. Ah ouais, OK. Tout le set complet des Silver. Ah, c'est ça que tu as mis en photo, en vidéo? Ouais. Tout le set complet des Picture Label et tout le set complet Activision en boîte. Et aussi, de ça, une console. Et puis, bref, il y a une console Atari que je vais présenter ici, que je vais garder pour ma collection. Et puis, fait que tout ça... Pourquoi je dis ça? Parce que en même temps, c'était tout des upgrades. Ah ouais. J'ai déjà tout ça, moi aussi. Fait que c'était comme... J'ai comme tout ça en double chez nous à checker les upgrades. Fait que bref, tu sais, c'est ça. Mais il y a un gars qui nous a écrit là, à RetroMTL. Il y a une collection sur Price Charting à 53 000 de valeur selon Price Charting. Puis on a fait l'exercice. Et puis, il demande beaucoup, là, comme des marges très hautes. C'est vraiment des belles affaires. Mais il y a aussi beaucoup de jeux en boîte. Puis les jeux en boîte, ça vaut cher, mais c'est dur à vendre. Très dur à vendre. Les Pokémon à 800$, c'est bien beau. C'est bon. Mais j'en veux pas. J'en ai ici depuis. Puis j'en veux pas une vingtaine. Fait que là, tu dis, on s'entend pas parce que lui, il dit, ça vaut cher. Puis moi, je dis, ben oui, mais non, parce qu'il n'y a pas de demande. Pour ce prix-là, le monde sont cassés. Fait que c'est ça qui est ça. Mais bref, une grosse collection. Puis là, aujourd'hui, on y a fait une offre. Puis là, il a pas voulu. Il demandait comme fucking quasiment 8000 de plus que ce qu'on lui a proposé. Fait que non. Mais je pense qu'il ne vendra pas anyway parce qu'il demande ben trop. Et puis, il fera bien ce qu'il veut parce que là, il nous avait déjà poké il y a longtemps. Puis là, ça avait pas marché, mais il avait pas vraiment listé ses affaires. Il a juste dit, j'ai une collection, ça vaut 50 000, combien tu me donnes? Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? Je sais rien. Ah ben, là, il nous a envoyé une photo de ses armoires. Ben, je sais pas grand-chose de plus, là. Tu sais, des jeux de stacker dans une armoire. Fait que là, il a fait tout l'exercice, il a fait un prix. Ah non, là. Fait que bref, il va peut-être nous revenir dans 2-3 mois encore, quand il sera peut-être un petit peu plus sérieux. Mais on progresse. Mais... Tout ça pour dire, ce gars-là, dans sa collection, il y a un Shantae au Game Boy Color qui dit complet en boîte, mais je pense qu'il manque le livret. Okay. Mais la boîte et livret de Shantae, j'aimerais vraiment beaucoup ça, là, avoir ça. Là. Mais ça, c'est la liste de Noël pour la fin de l'année, on reçoit des cadeaux. Là. Ben oui, des milliers de dollars. Des milliers de dollars. Non, on fait un cadeau, chacun cherche un jeu en arrière là, qui ne traîne pas laver. Puis on le lave pas. Pour l'Atari, moi, je suis un peu limité sur les jeux que je peux prendre parce que j'avais pas de paddle controller, fait que ça me barrait. Ah là, man, ça vient de t'ouvrir un univers. Ça va se régler là, bientôt, là, mais ouais. Il y en a beaucoup, puis beaucoup de bons, là, vraiment. Là, j'ai le stick. Là, je vais m'en acheter un deuxième pour jouer deux à Bluetooth. Ben oui. C'est mon gars. Équipe-toi, c'est-tu. Ben oui. Ça, là, il te vend ça aux dépinottes. Là, il veut jouer. Il me dit encore, demain, je reviens, je veux jouer encore. OK, là, je l'amène sur l'Atari ou sur le NES, là? Commence par les bases. Tu recules ou tu remontes? Hein? Tu recules quand tu vas. Ouais, ah, il a parti. Il dit, ah, je joue à ça, il part, genre. Advance Dungeon Dragon, je suis comme. Ah, ça. Tabarnak, je joue pas à ça. Je peux pas t'aider avec non, ça. Non, je garde, là, il y a un squelette, puis j'avance, puis je tourne. Je suis comme, ben, tu comprends? Je comprends rien de ce qui se passe. Je joue à d'autres choses, là. Ah, ben, ça, faut, il va ben, l'apprendre lui-même. Il se lève, il dit, garde, là, ici, c'est bleu, il y a des murs qui bloquent, faut descendre là avec les échelles. Je suis comme, t'as 100% raison, je peux pas t'aider. Je comprends rien. Ah, ouais, c'est ça. Il a gâché un petit peu la base. Il s'en vient, il a un homme de gamer. Laisse-le gosser là-dessus, et il va peut-être comprendre plus vite ses vieux jeux. Il a joué à motocross, il a fini par comprendre les contrôles. Moi, je comprends rien, j'ai assez de jouer, je suis pas capable. OK. Puis il est tout jeune en plus. Il a joué à Beauty and the Beast aussi. Et il a joué au soccer tout seul, 39-0. Hey, ce jeu-là, il est brisé tellement. Non, mais il n'y a pas de multiplayer. C'est un. OK, OK. Ben, c'est deux players. OK, moi, l'autre équipe bougeait pas. Il kickait dans des buts déserts. C'est ça, là. Il enlevait le ballon puis il allait kicker le but. J'ai pratiqué toi à faire des buts puis quand il m'a revenu, il m'a planté. Dernière question Instagram. Steph Talbot qui est dans le chat. Il est là. On le salue. Ouais, il est direct là. Il a même mis une face d'un gars. Un gars. Alors, bien le bonjour. Avez-vous déjà testé le Virtual Boy? Si oui, quelles sont vos impressions sur la marchandise? Et une affaire qui me chicote bien gros, pourquoi les premières cassettes de Super NES avaient une fente sur le devant et que par la suite, les modèles de cartouches ont changé? Pour la première question, moi, j'ai déjà possédé un Virtual Boy ainsi que le set complet des jeux. Oui, j'avais le set complet. Et puis, c'était bien beau, j'avais ça chez nous. Je m'amusais avec ça une fois par année, ça durait pas très longtemps. T'avais mal à l'aise pendant trois semaines. Ouais, ben, tu sais, cette affaire de mal de tête-là, tu sais, c'est comme dire que le yogourt donne la chiasse. Non, mauvais exemple. Non, mais c'est pas tant vrai, tu sais. Non, c'est plus une affaire d'Internet, là. Ouais. Mais bon, peut-être que oui, il y a des gens qui sont sensibles, photosensibles de... Attends, ben, j'avais joué quand j'étais jeune pendant une heure et demie de temps, pas enlever mes yeux là, ça se peut, là, mais... Exactement. Moi, je l'avais loué. Mais anyway, tu joues jamais tant que ça, parce que c'est pas si le fun que ça. Mais j'aimerais l'avoir chez nous, parce que vu que je suis un fan de VR, ça me le prendrait, là, pour... Ben là, Nintendo, t'as vu, il a annoncé qu'ils vont le refaire, là. Mais ils les refont juste en bébelle, genre, ou ça va... Il va avoir la bébelle aussi. Oui. Okay. Mais je me rappelle plus, là, ça va être... tu vas pouvoir acheter la bebelle pour jouer au ROM sur le Nintendo Store. Là, une affaire de même. Quoi, ça vaut en ce moment? Genre, ça... Ay, man, j'ai pas... ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Chaque fois qu'on l'a, on les vend très vite. Ouais, j'imagine. Puis le problème avec ça, c'est que ça tient sur des pattes en métal. Puis ce qui tient les pattes en métal dans la jonction du X des pattes, c'est une petite affaire de plastique. Ça, le poids de la console pèse là-dessus, fait que ça fait écarter le plastique, puis ça le fait fendre un moment donné, fait que ça tient plus. Alors, il y a des gens qui vendent sur eBay des plastiques en impression 3D pour remédier à ça. L'impression 3D, tu le fais, exact. Fait que ça, c'est un problème de la machine. Ce petit bout de plastique-là est trop faible pour retenir tout ça trop longtemps. Ben, je vais intéresser, là, les affaires que je voudrais, là. Ouais, c'est ça. Steph Talbot dans le chat, il dit qu'il hésite à commander celui qui va sortir sa Switch 2, donc sans la manette, juste le casque. Je suis mal renseigné par rapport à ça, je suis désolé, mais bref. Mais c'est ça. Si c'est juste le casque, on doit dire que la console et les manettes jouent que le casque. Là. Ouais, mais le casque tient comment? C'est les pieds? Sur un pied? Ou tu as le tape sur la tête avec une strap? C'est comme un nouveau VR, C'est ça que j'ai pas regardé. Bonne question. Bonne question. Mais à tout le moins, c'est un très bel objet, je trouve, présentement, à acheter pour la Switch 2. Là. Avec un pied, qui dit. Avec un pied, parfait. Fait que c'est une genre de réplique. Et puis, moi, je trouve ça malade. C'est quoi? Là? C'est tellement random de faire ça. Puis j'adore ça. Faites ça, c'est merveilleux. Donc, c'est une réplique de l'origine que Steph Talbot dit. Moi, je trouve ça nice. Écoutez, c'est des objets de collection. Ça vaut la peine. Moi, je ne l'achèterais pas. Je fais de la place. Là. Puis, je l'ai déjà eu, l'original et tout ça. J'ai tout vécu ça. Puis, j'ai joué à, c'est ça, Hotel Mario. C'est ça le nom? Non, ça, c'est sur 3DO. C'est Mario Clash. Je pense, quelque chose de même. Il y a un pinball aussi, me semble. Ouais, Galactic Pinball. Il y a un shmup Over Horizon. Correct. Tu sais, il n'y a pas des grands jeux. Le Wario là-dessus est très bon. C'est vrai. Et puis il y a le infamous Water World aussi, que j'ai même pas essayé d'ailleurs. Et puis, c'est ça. Il y a toutes ces affaires-là. Donc, c'est C'est de la collection. J'ai joué une fois, je pense, quand ça a sorti, je l'avais loué. C'est à peu près la seule fois que j'ai joué à ça. Là. Exact, exact. Probablement que je me suis fait dire par ma mère, les yeux proches des écrans, c'est pas bon, là, Star, c'est les VR à 4K dans les yeux. Là. Direct dans les yeux. Puis pour la deuxième question, je sais de quoi tu parles. Les premières cassettes Super NES, en effet, avaient juste comme une fente à la largeur. Et puis après ça, il n'y avait plus ça. Ouais. Mais pourquoi? Je le sais pas. Pour sauver du plastique. Peut-être, là, ils ont changé de mais, design. Je suis vraiment pas certain. Puis je pense que c'est parce que dans cette fente-là, il y avait une encaveure plus creuse. Et puis quand tu enclenches le bouton « Power », il y a une coche qui vient pénétrer cette encaveure. Faut pas que tu l'enlèves, là. Fait que, exact. Okay. Fait que là, si tu fais eject, si tu fais pas eject, t'essayes d'enlever la cassette, ça marchera pas. Faut que tu fasses eject. Ouais. Mais là, avec les nouvelles, les plus récentes qui ont pas ça, je me demande si on n'est pas capable de juste arracher la cassette sans faire eject. C'est peut-être ça. C'est pour arrêter de. Peut-être. C'est pour rendre le bouton eject inutile peut-être. C'est possible. Mais c'est clair que sur Internet, il doit y avoir une réponse claire à ça. C'est clair que c'est clair. C'est ça. Mais je me suis jamais renseigné, moi non plus. Tout ce que je sais, c'est que celles qui ne l'ont pas sont plus récentes. Puis il y a des jeux qui ont les deux. Ah. Parce qu'il y a eu des reprints. Alors voilà. On s'en va maintenant sur Facebook. Sur Meta. Tous les commentaires. C'est drôle que j'écris tous les commentaires, puis on en manque des fois quand même. Dom Renault, quel est votre jeu de stratégie préféré pré 2000? Qu'est-ce qu'un jeu de stratégie? Un RPG ou un RTS, tactique? C'est quoi un RTS? C'est Real Time Stratégie. Command & Conquer, moi je dirais pré 2000, là. C'est dans mes tops. Là. Ah, si ça rentre dans le game, oui. Je pense que ce serait ça. Là. Command c'est & Conquer, moi j'ai trippé là-dessus. Command & Conquer, StarCraft. Puis ben Red Alert, c'est Command & Conquer 2. Age of Empires, j'avais beaucoup aimé dans le temps. J'avais joué énormément à ça. Là. Tactical Battle. Ouais. C'est pas c'est, Tactical Battle, c'est un nom de jeu, ça? c'est un style ou c'est un... Ouais, mais je pense que Command & Conquer doit rentrer là-dedans, j'ai l'impression. Là, du combat tactique. C'est ça. Écoute, Desert Commander sur NES. Parce que pré-2000, il n'y a pas grand-chose. C'est surtout sur PC, ces jeux-là, je pense. Là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais joué à... Ouais, Ogre Battle. Tactical Ogres. Ouais, peut-être Tactical Ogres, c'était un jeu rendu à PS2, whatever, qui doit être la suite de Ogre Battle. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que Shining Force au Genesis est un... C'est un RPG, mais où est-ce que tu déplaces tes affaires, tes unités de combat, tu sais. Fait que c'est un tactique. Ouais. I guess. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. StarCraft 64. Tous ces jeux-là, j'y ai pas joué. Mais juste Command & Conquer. Ouais, j'ai aimé ça en tabarnak. C'était bon, Command & Conquer. Ah ouais. C'était vraiment quelque chose. Voilà. Philippe Pelcha. C'est arrivé d'avoir Dragon Warrior 4 chez Retro MTL. C'est arrivé, mon ami. comme tout arrive, en boîte, cartouche, ça arrive. Puis... J'avale ma salive. Ça me fait saliver, moi, ça, les Dragon Warrior. Surtout le 4. J'ai juste joué un dans ma vie. Ouais, moi j'ai aussi. Pas aimé ça. Ben, moi, j'ai aimé parce ça. Je comprenais rien, puis j'étais jeune, puis j'haïssais ma vie. Là. Exact. Mais là, j'aimais ça plus vieux, par contre, parce que c'était 5. C'est ça, là. Mais bref, si ta question aussi, c'est dans le sens que ça t'intéresse, ce jeu-là, va sur le site web de RetroMTL, RetroMTL.com, va dans l'outil de recherche, tape Dragon Warrior 4, tu vas le voir apparaître. Clique sur la fiche produit. Et ça va le voir apparaître épuisé parce qu'on n'en a plus. Mais clique dessus pareil. Puis là, tu vas pouvoir t'inscrire avec ton courriel à un réapprovisionnement. C'est excellent. Ainsi, ça. Quand on va le revoir, tu vas recevoir une notification et tu pourras le racheter. La fois, j'allais vous dire que ça prenait cette feature-là. Puis là, j'ai vu qu'il l'avait. Je crée un moment inscrit là-dessus. Moi, ben oui, on l'a. On l'avait avant aussi, mais c'était pas simple. Là, ouais. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus simple de le faire depuis notre nouveau site web. Jim Gendron, qui est dans le chat. Jim. Quelles sont vos destinations de vacances de rêve? De rêve, là. Le Japon, j'aimerais beaucoup visiter, là, moi, pour plusieurs raisons. Les arcades, les pachinko et la lutte japonaise. c'est mes gros intérêts là-bas. Là. Mais sinon, on dirait que moi, j'aurais, tu sais, des vacances en ville, j'en ai faites en Amérique, là, aux États-Unis, des affaires de même. Aussi, Mais j'ai juste pris l'avion une fois, puis je suis allé au Mexique. Okay. Mais j'aimerais bien justement prendre l'avion puis aller être de quoi de dépayser beaucoup, beaucoup. Là. Mais je connais Thaïlande, pas le genre. Thaïlande, l'Espagne, tu sais, des belles places. Ouais, ouais. Tu sais, la France, j'aimerais vraiment ça y aller. Mais on dirait que c'est comme trop commun. C'est la France. C'est ça, c'est ça. Mais j'aimerais qu'il fasse, tu sais, chaud, là, ou, excusez, un désert, ou je sais pas quoi, puis que ça soit pas trop. En Égypte, mettons, crasse, les pyramides, là. Des affaires comme ça. Là. Ben, peut-être, là. Tu sais, un dépaysement. Faire dépayser, ouais. Puis de la chaleur, tu sais, un beau climat, des palmiers, je sais pas, des affaires de même, là. Mais j'ai pas un choix. J'ai jamais comme, ah, je rêve d'aller à telle place. Il y a trop de place, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ça. Sébastien Trottier, avez-vous un jeu que vous possédiez et que vous regrettez d'avoir vendu? J'ai jamais vendu de jeu, honnêtement. Je pense pas que j'ai vendu tant de jeux dans ma vie. Non. Je suis pas le tout gardé. Je sais que ma mère a déjà genre filé à une collègue de bureau des genres de jeux de Super NES ou de N64 à un enfant. Je suis comme, non, Chris, ma collection! Mais c'est la seule fois que je me rappelle, mais j'ai pas rien vendu en tant que tel là, qui est. Ouais. Que je regrette, là. Ben, moi, j'ai regretté d'avoir laissé ma mère vendre toute mon. Ma console NES. Ben, tu l'as laissé ou elle l'a juste vendu sans te le dire? Ben, j'y avais dit, vends tout okay. Ou vends rien. Puis finalement. Ah non, elle a juste vendu genre les bons jeux, tu sais. Ouais. Fait que, of course, il me restait Bayou Billy et les Turtles, mais elle a vendu Castlevania, Blaster Master, tout ça. Fait que, tu sais, mais je regrette d'avoir vendu mon Super NES et tous les jeux, mais je me suis surpris, j'ai tout racheté ça. Of course, c'est complet en boîte. Ben, sauf ceux-là que c'était pas bon, tu sais, genre Street Fighter 2, le premier, je m'en crisse, là, si je veux un Street Fighter. Anyway, j'ai le full set. Mais j'ai pas besoin d'avoir la boîte de Street Fighter. Mettons, il y en a plein d'autres. Ouais. Mais ce que je regrette, puis le dernier, j'avais un Game Boy et tous mes jeux Game Boy, j'avais toutes les boîtes. Puis j'avais, moi, juste des bons jeux Game Boy. Que des bons jeux. J'avais pas de mauvais jeux. Puis j'ai, tu sais, Castlevania Belmont's Revenge, Snow Brothers, Kirby, Mega Man, le premier, Bionic Commando, tu trouves pas ça souvent, les Jetsons. J'en avais quelques autres, j'ai la mémoire courte. Puis bref, j'ai tout racheté ça complet en boîte. Et les seuls qui me manquent, c'est Jetsons. Alors, okay. Ça aussi, c'est un objectif de collection. Boîte et livret de Jetsons au Game Boy. Je désire ça ardemment. Je veux ça. Bon. Fait que je regrette d'avoir vendu tout ça. Pour le reste, il n'y a aucun autre jeu que j'ai. J'en ai vendu beaucoup des segments. Tout mon Virtual Boy, tout mon Dreamcast, tout mon Sega Master, tu sais, 64. J'ai tout moi, là. J'ai tout vendu ces affaires-là, puis je ne l'ai jamais regretté. Simon Lehaye, l'actualité récente mentionnait plusieurs faux billets de 100$ en circulation. L'argent comptant, utilisez-vous ça encore beaucoup? Chez RetroMTL, c'est utilisé souvent. Avez-vous déjà intercepté des faux billets? Toi, tu utilises-tu l'argent comptant beaucoup, Jean-François? Juste quand je le mets dans une machine à sous, j'ai pas le choix. Exact. Ben, moi, je me garde. Mais j'ai un 20$ dans les poches. Je vais mettre 20$, mettons, dans mon portefeuille de backup. Là. C'est ça. Tout, là. Mais cash, payer cash, très rare, là. Moi, je paye cash quand soudainement j'ai une accumulation random d'argent. Tu sais, mettons, je me dis, hey, je vais aller au CCJVQ, puis je vais me sortir 300$ là, pour acheter des affaires. Puis finalement, je n'achète rien. Là, j'ai 300$. Fait que là, je ne vais pas te déposer 300$. Là. Fait que je le garde, puis je paye les affaires avec ça. Jusqu'à ce que j'aie plus d'argent. Parce que qu'est-ce que tu veux que je crisse avec ça? Mais comme toi, un petit 20 là, t'sais, que tu pètes. Tu sens mal de payer à une carte de crédit ou de débit un fucking café ou un pain. Fait que. Moi, c'est plus dans l'optique que, genre, il n'y a pas d'intérêt où ma carte est pétée, il faut que je fasse de quoi rapide, là, mettons. Un petit backup. Mais ouais, c'est ça. Je retire rarement, sauf pour aller au casino. C'est ça. Parce que je retire à la banque parce qu'il y a des cristis de frais d'impossible au casino, ça n'a pas de sens. Ils te chargent en 7$ de frais au guichet. Là. Ah, ouais, hein. Ouais. Like, fuck you. Vous prenez déjà assez de mon argent comme ça. Là. Ah, c'est malade. Mais ici, chez RetroMTL, on n'a pas intercepté de faux billets, non. Du moins qu'on s'est rendu compte. Et puis, on n'a pas vécu ça par rapport à ça. Il y a majoritairement par carte, j'imagine, maintenant. Ben, il y a de l'argent. Il y a de l'argent encore, en effet. On n'a pas le choix. Des fois, on manque de change et puis on y va. Puis aussi, vu qu'on fait du rachat, les lots de 300$ et moins, on paye en argent. Ah, okay. Et puis, ben, c'est comme un gauge, hein, 300. Et puis, parce que là, il ne faut pas tout donner l'argent au monde. Parce qu'on a besoin pour la caisse. Ouais. Fait qu'on donne des chèques. T'sais, on ne donne pas 1000$ en 20$. Là, t'sais. Mais des fois, quand on a un surplus d'argent, au lieu d'aller déposer à la banque, ben là, on en donne un peu plus en vrai argent t'sais, aux gens. Alors voilà. Mais oui, l'argent roule encore et puis il faut faire la caisse à tous les jours puis compter ça. Éric Bissonnette, seriez-vous prêt à pirater un jeu pour l'essayer? Exemple Pokémon, Emerald, etc. Jamais été contre le piratage. Je n'ai plein de pirates là, chez nous, là, mais surtout des jeux de PC. Là. Ouais. Mais j'ai plus le réflexe de faire ça maintenant. Là. Assez d'argent là, pour m'acheter ça. Mais genre, c'est un peu ça, moi aussi. On va au WEG, il lit, là, il ouvre mon ordi, puis genre, il a plein de petits jeux là, qui est piraté de partout. Je me dis, tu prends ça où? Ah, c'est ça. Mais tu sais, moi, mettons, je suis au WEG, puis ça donne quelqu'un un jeu piraté, puis on joue, puis j'aime le jeu, vraiment. Ah ouais. Ben, je vais me l'acheter en vrai pour ma collection, tu sais. Après, quelque chose de même. Puis mettons, dans le cas de Pokémon. Ah ouais. Tu sais, moi, mettons, ma vie, puis je trippe sur Pokémon, puis Crystal, tu sais, ça vaut cher, mais je le veux, puis je veux jouer, m'achèterai l'original. Mais mettons, j'ai jamais joué à Pokémon de ma vie, puis je me dis, m'a testé, genre, Crystal. Si je n'avais un fake ici chez RetroMTL, ben je le prendrais, puis je l'essayerais avec ça, tu sais. Voir si j'aime ça, et si j'aime vraiment ça, puis je pogne la piqûre, là, j'achèterais un vrai, tu sais. Ça serait pas mal, ça. Je pense que dans le VR, je n'ai testé une coupe avant de les acheter. Là, quand ça commençait le VR, puis j'étais sur PC, je n'avais piraté une coupe de m'essayer, puis après ça, j'achète la vraie version pour jouer. Là. C'est ça. Mais sinon, j'ai justement un gros backlog que j'ai plus besoin de faire ça. Là. Puis de toute façon, moi, mon bord, je suis pas assez intelligent pour pirater. Fait que voilà. Kevin Hamel Raman Julu. On a chacun une question. Pour moi, est-ce que tu envisagerais de faire une présentation au séminaire sur le démarrage d'entreprise. Parler des embûches, les réalités, les démarrages de ces temps-ci, de faiblesses économiques, etc. Il est dans le chat. Ah, c'est lui ça, Gore-Tax. Ça se ressemble beaucoup, Gore-Tax 1114 et Kevin Hamel Raman Julu. Ben écoute, merci pour la question. Tu sais, bon, là, le démarrage d'entreprise, tu sais, je n'ai comme juste démarré deux, là, et puis il m'en reste rien qu'une. Mais tu sais, j'ai bien des projets puis tout ça, mais tu sais, j'ai pas plein d'entreprises, puis je suis pas comme j'achète une entreprise qui va mal, t'es je la remets ses rails, puis okay. Je la revends, je fais un exit, j'en achète un autre. Ça c'est un profil qu'on appelle un profil d'entrepreneur aventurier, et moi j'ai pas ce profil d'entrepreneur. Toi, t'es impliqué dans les business que tu pars, c'est tes business, tes parts, puis t'es amène à bout là un peu là. Ouais, puis c'est des business de passion aussi là, puis j'ai un profil d'entrepreneur non conformiste aussi, au sens que ben là je pourrais partir là-dessus longtemps. Mais tu irais-tu genre investir dans la boulangerie à Saint-Hubert puis reniper ça un peu, ou c'est vu que c'est trop hors de ton de tes intérêts, c'est pas ton style d'entrepreneuriat, mettons, faire ça là. Ben mettons, si j'avais de l'argent, puis j'étais pas tenu de m'en occuper, puis que je sentais que ça serait du reprenariat, mettons, là, parce que c'était ça qui s'est passé, puis c'est leurs enfants qui l'ont repris finalement, même si ça ne leur tentait pas, ils ont décidé de le faire. Mais mettons là, puis mettons toi, là, random, toi, j'ai confiance en toi, toi, JF, tu dis, moi, je lâche tout, je m'en vais là-dedans, je m'en occupe, tout ça, j'ai besoin d'argent, voudrais-tu embarquer, puis je sais que tu t'en occupes beaucoup, puis ça, j'embarquerais, parce que cette business-là, dans ce quartier-là, il y a de l'argent à faire beaucoup plus avec ça. Ouais, ça rentre pis, le monde là-dedans. C'est là. Malade. Fourette. Fait que ça, je le ferais parce que je te connais, pis tout ça. Mais partir avec des inconnus. Ah, il y a une shop de peinturage, de vis, je suis pas aventurier de même, là. Puis j'ai pas les moyens d'explorer ça de même. Alors, voilà. Mais ça, je le ferais. Mais là, je serais pas capable parce que ma tête est pleine. Ici, je serais trop MTL. Même si j'avais l'arcade présentement, je me demande comment je ferais. Esti, on est tellement busy. Mais en même temps, on est busy parce qu'on développe et on veut pousser ça loin. C'est ça, là. Fait que je serais pas capable de donner autant d'efforts sur multiples entreprises. Faudrait que tu délègues ce que tu fais ici pour faire d'autres choses ailleurs, mais tu voudrais pas faire ça non plus, là, parce que... C'est ça. Je sais pas comment est-ce qu'ils font, les autres, tu sais. Ben, ils délèguent. C'est juste qu'ils délèguent. Mais ben, je veux déléguer, JF, mais à qui? Il y a personne. C'est parce que ce monde-là, ils ont des millions entre eux autres, puis genre, ils peuvent s'engager du monde pour à qui déléguer, là. Ben, je peux bien. On peut m'engager ici, là, 8 personnes demain matin, mais ben, là... Ici, oui, mais mettons, toi, comme entrepreneur, tu t'engages à un assistant privé, là, qui est pas payé par la job ici, mais qui fait ta job sale que tu veux pas faire. Peut-être. Mais ben, ma job sale ici... C'est le fun. C'est les employés qui doivent le faire, tu sais, comme techniquement. C'est ça. Mais mettons le shipping le matin, là, faut que j'en fasse parce qu'on manque de monde. Ou tu sais, on manque de monde, là, ça refoule, fait que c'est nous qui fait la poutine. Mais t'as faut que ça arrête ça. T'as les mains dedans plus que juste faire la structure de comment ça va marcher. T'es impliqué dans tout là, ici. Ouais, là. Mais ça devrait pas. Puis ça, faut le régler. Mais Chris, on y arrive pas. Mais bon, là, on manque d'effectifs présentement. Mais c'est tout à la balance de combien de monde t'engage. Puis qu'est-ce que ça va donner. Puis tu sais, ça va te libérer quoi comme espace mental pour pousser la compagnie plus loin. Parce qu'on ne poussera jamais la compagnie plus loin si nous autres, on est tout le temps dans la poutine puis on devient indispensable. C'est clair, puis c'est parce que si tu te libères, tu as d'autres concerns, ce qui va arriver aussi, là, t'es pas nécessairement libre parce que t'as une partie qui vient de se libérer, là. T'as un autre petit bout qui va peut-être rentrer, puis... Ben, peut-être, mais tu sais, j'ai des idées de développement ici, man, qui sont sur mes tablettes mentales depuis 2-3 ans, là, puis j'ai hâte de les faire en esti, là. Mais on y arrive pas, là, tu sais, parce qu'il y a tout le temps de quoi. Alors, on va finir par vous mettre l'automatisme, vous libérer un peu, là. Ben, ça, il faut de ça. Ça s'en vient, là. Mais... Puis ça nous prend des employés solides qui sont capables de, tu sais, d'en prendre, puis de monter. Puis on va les récompenser en conséquence, ceux qui ont envie de faire ça, tu sais. Puis c'est ça qu'on cherche, là, tu sais. C'est de même qu'on se bâtit une équipe. Puis à un moment donné, il va y avoir des paliers ici, là, tu sais. Mais là, il n'y en a pas vraiment. Il y a nous autres, puis il y a Lisanne. Fait que c'est ça, tu sais. Il y a moi qui flotte, là, quelque part. Ouais, ben toi, c'est ça. Ben toi, t'es un électron qui gravite autour, là. Fait que bref, pour répondre à la question officiellement, je sais pas si je serais la bonne personne pour aller si deep que ça là-dedans, mais je pourrais parler d'embûche puis de réalité et de bien des choses, en effet. Bon, fait que... Mais là, j'ai tout le temps de préparer une présentation, tu sais, solide, là. Je l'ai faite avant Noël, ouais, là, ouais, tu sais, mais c'était... T'sais, c'était un 20 minutes, là, funny, là, mais t'sais, de quoi de béton avec du visuel, puis t'sais. Mais t'sais, tu pourrais en parler comme dans un séminaire longtemps, fait que sans être préparé, tu pourrais juste répondre à des questions, puis juste... Ça me ferait plaisir. Répondre à des questions, ça me fait toujours jaser de même, mais préparer de quoi de béton, puis donner des conférences, être un conférencier. Avoir des slides, le PowerPoint, avec une affaire qui peut changer, ça c'est de la job. Ben, j'aimerais bien, j'adorerais ça, mais Chris, faut que tu le bâtisses, là, c'est un projet, faudrait que je fasse ça le soir, puis les fins de semaine, puis là, je suis brûlé mort, Question pour toi maintenant. Avec la mode de gaming d'aujourd'hui, que les gamers ne restent pas accrochés longtemps au même concept et ont besoin de beaucoup de changements et de stimulants, est-ce que tu encouragerais quelqu'un à débuter des études dans le domaine du jeu vidéo? Ben, je pense pas que c'est un marché qui va s'effondrer. Fait que c'est quand même une valeur sûre d'aller dans ça, là. Je pense pas qu'il va y avoir moins de jeux parce que le temps d'attention des gens est moins grand, là. Non, temps, au contraire, ça va leur en prendre plus. Ça, là. Il va y avoir une balance qui va revenir m'amener de ça. Là. Genre, on peut pas tout le temps aller vers le TikTok puis juste genre la consommation rapide puis le monde n'aura plus l'attention de rien. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, là, l'industrie du jeu vidéo va pas bien là, présentement. Là, puis, il y a des compagnies qui ferment, il y a eu des rachats, des fermetures. C'est le bordel. Oh, ouais. Mais il y a un réajustement qui va se faire dans tout ça. Puis ça s'est passé dans le monde brassicole aussi. Comme les industries qui ont eu un gros boom, là, ça redescend. Wow, Faut, ça se replace. Puis la COVID a été là pour quelque chose en esti, laisse-moi te le dire. Donc, mais moi, je suis d'accord avec toi aussi. Les jeux vidéo, la production de jeux vidéo, ça ne va pas aller en arrêtant. La forme des jeux vidéo va peut-être arrêter. Peut-être. Les AAA qui prennent 5 ans à développer à coup de dizaines de millions, ça va peut-être disparaître aussi. Ben, ça va être fait avec du AI en arrière qui va accélérer beaucoup les processus. Exact. Ça va tout se réajuster, mais... C'est appelé à changer dans les 5-10 prochaines années fortement pour la production, mais je peux pas... Ça va quand même exister, je pense. Là. Exact. Je suis d'accord aussi. Puis c'est pas un domaine qui va être remplacé 100% par le AI. Le AI va grandement aider à couper d'un coup... pour faire des jeux. Mais un artiste, ça demeure un artiste. L'artiste va utiliser l'AI comme un outil pour produire. T'sais. Le remplacement complet de tous les jobs par l'AI, c'est un peu utopique. Là. C'est utopique, ça arrivera jamais. Non. Maintenant, la consommation d'électricité aussi, il y a une limite. Là. Exact. Est-ce que l'AI va nous ramener à genre, trouver des nouvelles façons de faire de l'électricité, peut-être? Ah ben, ça sauverait bien des affaires. Tout petit. Là, ça sauverait bien des affaires parce que le pétrole, il en reste presque plus. Puis là, la guerre va pogner. Là. Puis ça me fait peur en tabarnak. On va envahir par le Groenland. Là, puis. C'est ça. Daniel Deschaines, quelle est votre meilleure anecdote d'achat d'une cassette de jeu ou d'une console, que ce soit quand vous étiez jeune, par exemple? Une anecdote de rachat de jeu. Quand j'étais jeune, j'achetais pas mes consoles, je les avais à Noël tout le temps. Là. C'est pas mal ça mon plus gros souvenir. Là. Ouais, j'ai pas d'anecdote spéciale. T'sais, comme c'est des achats à des particuliers. Je me rappelle d'avoir reçu la Super NES à Noël, puis l'installer, puis 4 heures plus tard, j'ai mon père que j'avais fini Mario, puis t'es en tabarnak. Là. À 4 heures? Mais Mario World? J'avais joué déjà chez quelqu'un avant, je savais où passer. Peut-être pas 4 heures, mais genre dans la même journée ou le lendemain, j'avais fini. Genre, la première partie, il était comme, voyons, ouais, c'est ça. Mais j'ai joué beaucoup à Mario World, là. Ben, c'était, ben, en même temps, quand tu veux le finir officiellement, tu sais, il y a du replay value là-dedans. C'est ça que je cherchais. Mais bon, à part, il y a des histoires de chasse, là. Je sais pas si c'est de ça qu'on parle, là. Tu sais, trouver des jeux pas chers qui valent cher, mais... Ah, je me rappelle, on avait été au Griffon Bleu, je pense. Ouais. Où c'est-tu là? Puis t'es arrivé à la caisse, puis t'avais délé des jeux, puis quelqu'un avait dit « Hey, non, ce jeu-là vaut plus », puis genre, il t'avait redélé plus cher, le gars, là. J'ai un souvenir vague de quelque chose qui s'était passé de même, là. Ah, j'en disais, ou quelqu'un avait dit de quoi, puis ça avait, genre, monté le prix, là, ah, ben, c'est moi qui avais dit ça. Non, on était au GameX. Zeph, il checkait un jeu de messe, qui était d'ailleurs... C'était vraiment avant des WEG, là, peut-être, là. Ouais, puis c'était avant, on montait au WEG, on arrête au GameX, checker les jeux, puis c'était le jeu là, de sorcière qui est comme Megaman. Là. Ah, c'est dans le chat, le jeu de sorcière qui est comme Megaman. J'ai le cerveau en compote. Voyons, tabarnak. J'ai juste Wendy Every Which Way, puis c'est pas ça pendant tout. Non. Quest, c'est-tu... En tout cas. Ils vont nous le dire, là. Puis bref, je comprends. Hey, ce jeu, il prend ça en ses mains. Hey, ce jeu-là a monté dernièrement. Là, il dit « Hey, merci beaucoup! » Je disais ça de redrette de Val Proprio. Mais Danny n'avait pas monté le prix, par contre. Mais au Griffon Bleu, à Gatineau, quand ouais, on était allé, puis ça, c'était... La prison, ça. La prison. On était arrêté là, puis il y avait un jeu Atari avec une poignée, là. Ça, c'est ça, un c'est... des vieux jeux, okay. Ça, qui valent super cher. Puis c'était en arrière, pas sur le... dans le magasin, ouais. Comme sur une télé, comme dans une section arrière, que le magasin était proche. Fait que moi, je l'avais pris, puis je l'avais amené à la caisse, tu sais, puis j'ai dit, fait que je voudrais acheter ça, tu sais. Puis le gars, il était pas sûr, fait qu'il a appelé son boss, puis son boss, il a dit finalement que cette affaire-là, t'es pas à vendre. J'ai dit, oh, calme. C'est, hey, c'est quoi le jeu, guys? Ça me fait capoter. Hein. J'y arriverai pas. C'est sur quel console? C'est sur NES. C'est... j'ai l'image en tête maintenant. C'est The Crayon Conquest. The Crayon Conquest, là, je le vois. Exact. The Crayon Conquest. Jeu très décevant. Ça ici? Oui, exact. C'est comme Megaman, tu tires puis tout, puis t'as des power-ups, t'es tout tout de suite en partant, puis t'es utilises pour faire ci, faire ça. C'est comme Megaman. Okay. Mais t'es obligé de changer tout le temps. Ça vient vraiment désagréable. Fait que voilà. Huh. Ouais, fait qu'on n'a pas tant de réponses pour ça, Daniel. Bon. Désolé pour cela. Glavas qui dit qu'il a gagné un Super NES dans un concours de dessin organisé par la pharmacie Brunet de Matane. Hey, c'est-tu malade? Wow. Un gros Super NES. Steph Talbot, lui, qui dit qu'il avait demandé Bébé Mario, puis il avait eu Baby Boomer. Quelle tristesse! Et on parle que Baby Mario, c'est Bio Miracle, bucoté ou pas. C'est ça qu'il sort pas dans le chat à l'écran, Steph Talbot. C'est vrai, hein? Oui, il faut checker ça. Il est pas dans le chat, lui. On regarde il est ça. Dans le vrai chat, mais pas à l'écran. Ouais, c'est bizarre, très bizarre. J'ai fait un bon achat sur le CCJVQ à un moment donné, où est-ce que j'ai vu quelqu'un qui vendait Castlevania 1 complet en boîte. Et puis, moi, j'avais déjà ça. Ouais, ouais. Mais là, je regarde ces photos, je me dis, Chris, je pense que c'est le first print. Okay. Celui avec un hang tab en arrière, okay. Tu sais. Puis, c'était effectivement ça. Fait que j'y ai acheté. Puis, c'est comme, j'ai eu ça. Puis là, le hang tab, il n'est pas punché. Il est encore collé, pas détaché de la boîte. Puis, moi, j'avais le first print cassette aussi. Wow, OK. Avec le logo de Castlevania qui dépasse sur le dessus. Puis son jeu venait avec le livret. Fait que bref, j'ai refabriqué un vrai complet en boîte de first print Castlevania. Wow. Là. Puis ça, j'ai ça sur mon Instagram. Si vous reculez, là, vous allez voir ça. Puis ça, je me sens tout le temps un peu mal. Je pense que la personne ne savait pas ce qu'il y avait. En même temps, il n'y avait pas de... C'est pas de quoi qu'il valait 2000$ que j'y ai acheté. Tu sais, j'ai acheté le prix qu'il demandait, là, ce qui est le prix d'un Castlevania en boîte. Mais, tu sais, au point de vue collection, cette version-là, à mon avis, il vaut quand même plus. Combien plus, je sais pas. L'important, c'est qu'il soit sur ma tablette. Fait que voilà. Puis, très fier de ça. Julie Drapeau, je pense que c'est la première fois depuis combien d'années, JF, je sais même pas, qu'une demoiselle nous pose une question. Bonjour Dominique et JF. Salut. Je vous suis depuis peu et j'aime bien votre podcast. Cool. Nouvel auditeur, merci, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Je suis sûr que je ne suis pas la seule à avoir ce problème. Je suis gameuse de NES, de Game Boy et de PC. Des affaires très différentes. Très large. Je m'essaie à la Super NES depuis quelques mois, mais je ne suis pas à l'aise avec la manette. Très étrange, on aime bien la manette, nous. Je n'ai pas encore le réflexe pour bien placer mes doigts ou utiliser les boutons correctement. Est-ce que vous savez des trucs ou des jeux sur la SNES qui pourraient m'aider? Ça, c'est bizarre. Ben, le pouce avec le bouton d'en haut tout le temps, là. C'est le Super Nintendo qu'on voit. Ouais. Ben, c'est un D-pad. Ouais, comme nos. Non, le D-pad, c'est une chose, mais les boutons d'action sur le côté, là, mettons. Là. Les shoulder pads, sur le dessus, là. Non, les boutons A, B, Y, A, B. X, là. Ouais. Ben là, ça dépend. C'est ça. J'imagine On va aller mettre le contrôleur à l'écran, là, au moins. Ah, mets ça. Donc, j'imagine. C'est parce que. Habituellement, c'est. Mettons, t'as deux boutons sur une manette. On le voit ici comment tenir la manette. Ah, c'est ça. Mais arrête de bouger, là. Mets-en une. C'est Y puis B, tu sais. Donc, Y pour tirer puis B pour sauter. Tu sais, ça, c'est de base. Puis habituellement, les autres boutons, ben, ils servent à des actions supplémentaires. Fait que Nintendo, ils ont quand même gardé ça comme une manette NES, si je peux dire. Ouais. Mais il y a un angle, là. Mais, tu sais, moi, je me suis toujours habitué à ça. Ouais. Puis voilà. Fait que les boutons importants seront jamais X puis A. Alors, tous c'est les. C'est vrai que c'est souvent B, Y. Ben oui, tu tires avec Y, tu sautes avec B. Ouais. Puis les autres, c'est du gravy. Puis pour les shoulder pads, ben encore une fois, c'est vraiment pas tous les jeux qui l'utilisent non plus. Effectivement, là. Fait que c'est ça. Tes index sur les shoulder pads, là. Mais moi, j'aime bien un jeu qui pourrait être utile. C'est un jeu qu'ils utilisent tous de bonne façon. Et je recommanderais Contra 3 au Super NES. Okay. Où est-ce que, bien sûr, tu tires avec Y, tu sautes avec B. A, c'est les grosses bombes. Et puis les shoulder pads... X, c'est pour switcher de gun d'un à l'autre. Ouais. Et puis les shoulder pads, c'est pour locker ton tir. T'sais, si tu veux tirer en diagonale sans avancer, ouais. Tu locks ta position comme ça. Puis quand tu fais les deux shoulder pads, là, ton bonhomme, il sort les deux guns de même. Puis si tu payes sur tirer, là, il fait une pluie de balles. Nice. Ce n'est que artifice. C'est vraiment pas utile, mais c'est fucking badass. C'est clair. Et puis, c'est ça. Alors, Contra 3, utilise tous les boutons de très belle façon et tu seras amené, chère Julie, à les utiliser tout au long du jeu. Pratiquer ta technique de positionnement de doigts. Exact. Ça va te pratiquer, en effet, je pense, à utiliser tous les boutons. Ça vient mémoire mécanique moteur, m'a amené aussi d'avoir tellement joué avec ces jeux-là que tu sais comment te placer. Là. Ben, exactement, tu sais. Fait que. Mais c'est quand même une question spéciale. J'ai jamais vécu ça, tu sais, une mauvaise transition entre NES, Super NES. Moi, la Super NES, ça m'a rentré dedans tout de suite. Ouais, moi aussi, me semble. Tu sais, 64, là, j'aurais dit. C'est parce que là, t'as le joystick, t'as le 3D, la caméra, t'as tout ça dans la. Ah, c'est ça. T'as bien de la merde à gérer, là. Mais quel autre jeu, sinon, qui utilise beaucoup de boutons de belle façon? Je ne saurais dire. C'est rare, les jeux Super NES, il me semble, qu'ils utilisent en même quatre boutons. Tous les boutons, ouais, puis tant mieux, là. Fait que je réfléchis vite fait aux jeux. Mario World, c'est pas mal les mêmes boutons tout le temps. Ouais, oui, ça tasse la caméra, les shoulder pads, mais tu fais jamais ça. C'est rare, fait que Street Fighter... Mais, par contre, moi, j'aime pas ça. Le Street Fighter, le High Punch, c'est le shoulder left. Et je suis pas capable. Mettons, tu veux faire une balle avec Ryu, Ken. Faut que tu fasses ton demi-cercle sur le pad. Avec le shoulder. Puis le shoulder est au-dessus. C'est top. Tu le fais à une main. Une main avec deux doigts, ouais. J'ai jamais réussi à faire ça. Fait que j'ai tout le temps fait des balles avec les medium ou low punch. Fait que très décevant. Il y a Master Bouddha qui dit dans Megaman X, tirer, dasher et sauter en même temps. Ben oui, absolument, c'est vrai. Puis aussi le dash, il est sur un bouton, il est aussi sur le double tap, en effet. Mais oui, tu maintiens. Dans Megaman X, tu maintiens. C'est dur. Tu vas rusher, Julie, mais quand tu vas le faire, tu vas sauter puis dash en même temps pour faire des longues distances dans les airs. Fait que tu vas prendre le beat. En effet, Megaman X, très bon exemple. Merci, Master Bouddha. Qu'on voit pas commenter souvent. Il n'y a pas 1000 techniques de positionnement de doigts. C'est le bouton, c'est le pouce, pas mal. Là, ben, c'est ça. Moi, tu veux jouer avec la méthode crochet. Là, tu ne peux pas faire ça. La manette n'est pas broken. Non, c'est ça. Là. Hein. Alors, prochaine question. Merci beaucoup, Julie, d'avoir pris le temps. Marc-André Nadeau, gros événement de lutte en fin de semaine. Selon vous, quel lutteur-lutteuse va gagner le Royal cette année? Est-ce que notre Québécois Sami Zayn va gagner le titre de face à Drew McIntyre? Oui. Je suis très déchiré sur ce combat-là, je sais pas pour vrai. Ouais. Parce que Arabie Saoudite, je suis comme, ah, c'est une bonne place. Je pensais qu'elle allait dans le Rumble, puis finalement, il se bat pour le match de championnat, Sami Zayn. Je pense pas que tu fais un changement de titre là, genre. Okay. Tu plus à WrestleMania, j'ai l'impression, là. Fait je pense qu'il va perdre, puis qu'il va gagner le prochain pay-per-view, là, qui est le. Comment ça s'appelle? Elimination Chamber, là, les cages, là. Ah, ça, c'est con. C'est hot, moi j'aime ça. Ah ouais, moi j'aime pas ça. Les quatre dans dedans, puis t'en as deux qui commencent. Moi j'aime ça, je trouve ça le fun. Ah non, c'est l'autre que j'aime pas, celui qui vient de passer. Les deux rings à côté de l'autre. Là. C'est Survivor Series, ça? Non, c'est... Oh, God. Oh, ouais, c'est War Games. Ouais, c'est niaiseux, ça. Ouais, un peu, mais c'est... Jamais aimé ça. Mais ouais, mais bref. Moi, je dis qu'il va pas gagner, puis qu'il va gagner le Elimination Chamber, puis il va avoir un match à WrestleMania, puis il va gagner à WrestleMania. Puis ça va être qui, le Rumble? Hey, je sais pas, là. C'est qui l'autre champion? Le Bastion Booger. Ce serait le fun. Je sais pas, pour vrai. Moi, j'aurais dit Sami Zayn, je sais même pas s'il est dans le Rumble. Hey, il peut pas gagner deux affaires, là. Non. Je m'ennuie de Kevin Owens. Ouais, ben là, je sais même pas s'il va relutter, lui, là, ça dépend, là. Je sais qu'il s'entraînait, mais je sais pas s'il est en shape, là. Ouais. Opération au cou assez majeure, là, cette okay. année, là, ou l'année passée, en fait, là. Ugh. Il va-tu revenir au Rumble? Ça se pourra. Ben, peut-être. C'est, un petit rôle. Moi, je veux surtout avoir des affaires inattendues dans le Rumble. Il y en a moins des dernières années, puis c'est ce qui me manquait, là. Okay. Tout le monde par rapport, le genre, le Barber Beefcake, là, puis n'importe qui. Hein? Là. Ils l'ont invité? Non, non, mais genre, okay, du n'importe quoi de même. Du monde que t'es... Un ou deux, là. Ouais, ouais, du monde le fun, là. Ah, ouais. Coco Beware. Ouais, genre, là. D'Lo Brown. Ouais, c'est ça. Ça serait... Mais, puis fille, tu sais pas non plus? Ah, j'avais dit Liv Morgan l'autre fois, je pense, là. OK. Bon, ben, Liv Morgan... Mais pour les gars, honnêtement, je sais pas. Comment il s'appelle, c'est-tu? Brown Breaker, t'sais. Les gars. Quoi? Brown Breaker, le fils à Rick Steiner. Là. Ah, ok, ok. Ah ouais, lui. Ouais, ouais. Je l'aime bien, lui. Ouais. Bon, ben, on va y aller avec ça. Ouais, ça, là, mais je sais pas. Ça joue à 1h, d'ailleurs, en fin de semaine. Ouais, c'est ça, c'est un peu plat. Il va falloir que je check pas mon téléphone de 1h à 8h. T'es obligé de commencer à boire en après-midi. Ouais, avec mon gars. Pendant qu'il joue à la télévision, je regarde la lutte sur le site. C'est ça. Boire des gros Roman Coke. Carl Leduc, qui est dans le chat peut-être oui. encore, s'il est pas allé se coucher. Avec tout cet engouement autour de l'Atari Vision, seriez-vous intéressé à faire un challenge de la semaine? Un peu comme le même principe que l'Atari 2600 Weekly Competition de Atari Age. Tu vois, je savais même pas qu'il faisait ça. Un jeu choisi et on a une semaine pour poster une photo de son high score. Je lance l'idée comme ça. C'est vraiment une bonne idée, ça, pour mettre sur ta page. Sur ma page. On pourrait... Comment est-ce que les gens ne peuvent pas publier sur ma page? Ben, tu peux faire un post et les gens vont répondre au post en dessous en commentaire avec les screenshots de leur high score. Ah ben oui. Fait que tu peux faire, hey, cette semaine, la compétition, Beauty and the Beast, fait que postez vos high scores en bas. Ah oui, hein? Puis à l'autre épisode après, on dit qui a fait le plus gros high score. Ça pourrait se faire, pour vrai, c'est pas une mauvaise idée. Hein? Ben, je sais pas si tu te rappelles, dans le temps, il y avait les NES Challenge, ouais, ouais. Temps, de RDS, jeux vidéo. On l'avait fait... à l'interne entre un groupe très élargi d'amis puis de connaissances, ouais, ouais. Où est-ce que fallait finir le plus de jeux NES possible. Fait que tout le monde, à chaque fois qu'on en finissait un, il y avait un Google Sheet. Ah oui, je me rappelle. Puis là, on allait le cocher, puis on mettait le nom, puis tout ça. Puis on a tellement trippé. Alors, Chris, on était une cinquantaine là-dessus, là. Puis on a batté en maudit des jeux, puis il y a des jeux qui sont interminables, par contre. Ouais, ouais. Mais bref, puis j'ai répété ça sur RDS, où est-ce qu'on faisait le NES Challenge, mais en utilisant les jeux que... Nintendo mettait disponible sur le Nintendo Online. Donc, mettons, je dis n'importe quoi, cette semaine, Nintendo, ils mettent Amagon et puis Contra 3. Bon, ben tout le monde, cette semaine, on essaie de finir ces jeux-là. Parce que c'est pas tout le monde qui ont les jeux à maison, ça, mais pas mal de monde ont mais ça. C'est un peu ça le problème avec ça, c'est là, du vieux ça que pas tout le monde va avoir accès. Là. Exact. Fait mais là, en même temps, ça coûte rien de le faire. Là. Ben là, on sait que Carl y participerait. Nous deux, on participerait un peu. Mais là, c'est parce que sur Atari Age, le monde, ils sont là pour ça. Là. Fait que tout le monde a un Atari chez eux. Ouais. Mais là, sur Papa Cassette, peu de gens. Mais on pourrait l'essayer. Sinon, on se part une side page. Là, c'est juste Atari Vision. Il hey, y en a une à la page Atari Vision. C'est moi qui l'ai faite. Ah, OK, bon. Non, mais il y a longtemps, okay. Comme quand la mode était à créer des pages, des groupes Facebook, j'ai créé le groupe Facebook Atari Vision. Ça existe, c'est là, allez-y. Et puis, ça n'a pas été touché, ça, depuis 7 ans. Bon. Et puis, on pourrait peut-être utiliser ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait faire revivre cette page-là. Parce que, mettons, là, genre, on pense... Puis c'est Atari, Coleco et Télévision. J'avais fait cette page-là pour qu'on... C'était un groupe qui allait parler de ces consoles-là, pour le plaisir de ces consoles-là. On pourrait le republier dans ta page pour que le monde s'inscrive. On pourrait le publier là, mais pourrait se faire de la pub croisée de genre « Hey, on a parlé de Beauty and the Beast dans tel épisode, fait que là, cette semaine, c'est ça le défi. » Ouais. Ça pourrait être ça. On pourrait checker ça, là. On pourrait checker ça, mais en tout cas... Je pourrais manger pour le gérer, peut-être pour pas te mettre plus d'affaires dans la tête à checker aussi. Là. Ah, mais là, c'est toi qui as la tête pleine. Ouais, Jeff, t'as tellement d'affaires, sérieux. J'ai beaucoup de temps libre. Ouais, parce que, ben, moi aussi, là, d'une certaine façon. Ouais, non, mais... À voir. C'est pas mauvais, mais ben, on aime l'idée beaucoup, Carl. J'haïs pas ça, ouais. Marc Gravel... Question tourisme. Quelles seraient tes destinations rêvées à visiter en lien avec les jeux vidéo? Studio, ville, parc, boutique, quartier, attrait touristique. Le Japon, parce que... Japon, of course. Le Fun Spot, la grosse arcade Chicago, au New Hampshire. Lui à Chicago. Le Galloping Ghost à Chicago, ça, man. Ça, je vais y aller bientôt, moi, d'ailleurs. Ah ouais. C'est dans mes plans, là. Ça serait insane. Ces grosses arcades légendaires-là, j'aimerais beaucoup ça. Je suis jamais allé dans un barcade, l'original, là, à New York. Là, et ben, y en ont plusieurs maintenant. Là. Barcade, je suis jamais allé. J'aimerais ça aller là. Boutique de jeux, ben, j'aimerais beaucoup visiter DK Oldies parce qu'ils sont beaucoup comme nous. Hein, ben, on est beaucoup comme eux, mais eux autres, ils n'ont pas un plancher de vente. Mais nous, on en a un. Mais tu peux aller pick up tes affaires sur place, mais tu sais, ils sont tellement... partout sur Internet, sur les médias sociaux. Mais je serais genre juste aller voir leur bordel, là, je serais comme curieux parce qu'on vit la même chose. Wow. Mais sinon, les boutiques, man, sérieux, j'ai pas de boutique que je connais. Je suis comme, waouh, cette boutique-là est donc bien malade. Tu sais, Chris, on en a du stock ici. Là. Ben, comme plus que bien des clair, boutiques. Là. Fait que je suis pas envieux d'aucune boutique, pour être franc. Et puis. C'est 13 heures sur un Galloping Ghost en auto. Hey, c'est une bonne ride, pareil. C'est une bonne ride. Ah, Jim Gendron est allé voir la page Atari Vision Facebook. Ça n'a pas été touché depuis 2023. Mais je pense que le dernier post, c'est quelqu'un qui vendait ses affaires, puis c'était pas une page de vente. Fait que, bref, c'est pour ça. Mais avant ça, peut-être ça date de plus vieux que ça. Et puis, toutes ces affaires, toutes ces arcades-là, bien sûr, Japon, comme tu dis. Mes studios, non. Ben, je dis ça. Ça serait quand même le fun d'aller visiter des vieux studios, là, au Japon. À San Francisco, j'ai pas été dans les studios, mais j'ai vu là, des buildings de studios. Là, mais... Nintendo, je veux dire, ça serait le fun à voir, en effet. Ce genre d'affaires-là. Là, des gros studios. Sega, ça doit être nice là-dedans. Atari, man. Je sais pas s'il y a pas grand-chose. Je sais pas. Aller en Europe voir les jeunes Atari. Là. Exact. Cédric Fisher, avant-dernière question. Et alors, cette Switch 2? Il me semble que seulement Dom en a une. Excellent. Donc, ton bilan après quelques mois. Et puis d'un point de vue de Retro MTL, c'est une console en demande? Point d'interrogation. Je connais sûrement la réponse, mais j'ai toujours le fun d'avoir l'avis d'une grosse business. Parce que Cédric travaille au Sputnik Alma. OK. Ou je sais pas s'il travaille encore là. Bref, mais il travaille dans les boutiques dans ce coin-là. Et puis, on en vend régulièrement. Là. On en tient toujours en magasin. Et puis, on en vend. C'est pas un problème. Des Switch 1, j'étais sûr qu'on allait subir un raz-de-marée, que le monde allait nous vendre tout ça. Mais non, le monde, ils gardent leur Switch 1 puis ils se retiennent d'acheter des 2. Puis on vend des 2. Puis les Switch 1, on en manque aussi. Fait qu'on en vend encore beaucoup finalement. Alors, tout ça est en demande. Par contre, on le voit, là, les jeux de Switch 2, man, c'est pas populaire. Non? Là. Non, on n'en vend pas. Là. Okay. Très, très peu. On en commande très, très peu. Puis, mettons, là, il est annoncé un nouveau Mario Wonder. Tu sais, Mario Wonder, mais ils vont inclure un autre bout de jeu dedans. Okay, puis là, ils vont vendre ça 100$. Bon. Ils ont fait ça avec Kirby Forgotten Land dernièrement. Il y a le jeu complet, plus le DLC machin, puis ils vendent ça 100$. Ils ont fait ça avec Mario Jamboree aussi. Puis ils inclinent ça, puis ils vendent ça 100$. Comme ils faisaient, genre, avec, c'est quoi, le Mario and Luigi plus Bowser, là? Il y avait tant des affaires qui se combinaient au DS, 3DS, là. Ah, ben, peut-être. Ça ressemble à ça. C'était-tu le même jeu qui rajoutait un autre bout? Ça, il y en a un, c'est le même jeu avec un autre bout de plus. Ah, ben, peut-être. Peut-être que j'ai fait fausse route, je sais pas. J'ai jamais joué à ces jeux-là. Moi non plus. Mais en tout cas, là, ils font ça, puis ces jeux-là, ça vend vraiment pas. Là, fait que, tu sais, des Donkey Kong Bananza, on en a vendu, parce que c'est un jeu unique, qui est pas un Game Key Card. Tout est dessus, puis ça roule, tu sais. Hades 2, parce que tout le jeu est dessus. Il est moins cher que 100$, puis c'est la seule plateforme. C'est un bon jeu. Ouais. Mais pour vrai, les jeux de Switch 2, là... ça vend pas tant. Puis ça fait chier aussi parce que beaucoup sont aussi disponibles sur Switch 1. Fait que là, on ouvre des précommandes pour les deux. Puis là, le monde, il commande des fois, mettons, nouveau Dragon Quest. Il va avoir un nouveau Dragon Quest, un remake, là, présentement. Okay. Il est disponible sur Switch 2, puis il est disponible sur Switch 1. On ouvre les précommandes pour les deux. Puis là, on a deux précommandes pour Switch 2, puis quatre pour Switch 1. OK, ben est-ce que c'est représentatif, ça? On va en prendre, mettons, en vente libre, un petit 5 sur Switch 2. Puis un petit 10, sur Switch 1. Mais là, c'est l'inverse. D'un coup, on n'en vend plus. Là. Ça fait juste doubler notre questionnement sur ce qu'on doit racheter ou non. Ouais. Ça fait vraiment chier. Fait que c'est une passe là, vraiment pas le fun pantoute. Là, fait que voilà. Carl Le Duc est allé voir la page. Tout est barré sur la page. Eh bien, de Atari Vision, un groupe Facebook. Je vais aller checker ça. C'est encore moi qui est master de ça. Alors, voilà, Cédric, un peu comment ça se passe. C'est vraiment pas glorieux, là, puis on s'en fout un peu, là. C'est pas notre business. C'est pas notre core business du tout. On vend bien plus de jeux de Switch 1 que de Switch 2, là. Ouais, j'imagine bien. Tu sais, tous les jeux Limited Run, comme il y a pas beaucoup de Switch 2, là, en physical, moment, ouais. qui sont pas Nintendo, là, présentement. Fait que, il y a presque rien. Pas intéressant. Dernière question. Patrick Doyon. Dans tes photos et vidéos de Game Room, les collections NES et SNES sont toujours bien mises en valeur. Mais qu'en est-il de la petite grise, la collection, le full set Game Boy? Je l'ai vu, le full set Game Boy. Tu l'as vu de tes yeux vus. Ouais. T'es venu chez nous pour la première fois, d'ailleurs. J'ai aussi été très surpris et un peu déçu de voir que t'avais caché le cadre de Bayou Billy par une TV. Ah ben là, ça. À moitié, au moins t'as Bayou en haut. Ouais, mais c'est parce que la TV t'es pas là. Ouais, non. T'as Bayou. Bayou en bas, puis Billy t'en haut. Ah, c'est deux frères. Ah ouais, les frères Bayou et Billy. Non, mais ça, c'est pas ça à bouger, là. Puis là, je veux pas faire des trous dans les murs parce que ça va rebouger encore. Fait que je fais juste toute l'est. Ma Game Room est devenue un abandon. La petite grise. Ouais, ben, elle est encore dans la... Ben, Patrick, je suis sûr que t'as vu les photos de tout mon set dans l'espèce de boîte de carton que j'avais crafté à l'exacto. C'est encore tout là-dedans. C'est sur le dessus de mon arcade Cocktail Miss Pac-Man qui fonctionne pas, avec une serviette cacher la poussière. Puis c'est ça que c'est. C'est triste. Tellement hâte d'avoir le rideau de douche de jeu de Game Boy. Ah ben, je pense que c'est ça qu'il dit. Mais qu'en est-il? As-tu finalement trouvé une façon d'exposer aux yeux de tous cet important morceau de la Griforce? Et puis, hashtag rideau de douche. Parce qu'il y avait un running gag qu'on disait, on va prendre un rideau de douche, puis on va mettre des pochettes transparentes, puis on va les insérer dedans. C'est comme des affaires de cartes de hockey, mais, géant. T'es dans le jeu, tu regardes ton full set. C'est que c'est malin. Tout poigne l'humidité. Mais ça serait pas beau, par contre, le rideau de douche. Fait que c'est bien drôle. Mais non, j'ai pas de solution. Puis pour être franc, j'en cherche pas. OK. Parce que je veux dire, il n'y a pas tant de bonnes solutions d'affichage de jeux de Game Boy. C'est tellement petit. Il n'y a pas le titre jeu sur la tranche. Fait que là, tu peux bien toutes les aligner à côté de l'autre. Fais ça comme elle. Ben, tu voudrais être fast, tu sais, pour voir les jeux, mais il faut que tu les mettes un devant l'autre un petit peu, sinon. Un affaire qui est en étage, là, puis tu les mets de même, puis ils sont par-dessus l'autre. Là. Mais là, cet étage-là, il recule vers l'arrière, plus que tout le monde. Ça, puis c'est super. Une boîte super profonde, c'est pas possible, tu sais. Fait faut trouver une autre façon. Mais ça serait sur le mur, anyway, ou un meuble portable avec des tiroirs, tu sais, exposer ça demeure un problème. Ouais. Mais j'ai arrêté d'y penser parce que c'est ça. Présentement, on a rentré une table de ping-pong, on a rentré un but de hockey en sous-sol, mais le stock de hockey de mon gars est à la traîne, il y a du stock partout, j'ai complètement perdu le contrôle. Une Kicks qui se joue pas. Exact, une Kicks qui se joue pas parce que devant, il y a des affaires qui traînent dans le coin. Elle n'a pas bougé depuis un an, j'ai pas joué depuis un an, cette machine-là. Fait que présentement, ma situation sur ma gaming room, vous avez peut-être vu des photos, elle était un petit peu plus étoffée, puis j'étais bien content. Tout ça est détruit. Ça a été pris en otage. Fait que là, ça a été pris en otage et je peux rien faire tant que j'ai pas au moins mon plus vieux qui s'en va, puis que je puisse ou qu'il arrête de jouer au hockey, puis tout ça. Alors je me dis, hey, là, tous les jeux que j'acquiers, des jeux Atari en boîte que je présente ici, je vais juste les crisser en arrière des autres, puis j'oublie. J'ai acheté plein de jeux de Game Boy au cours des dernières années en boîte, puis je me rappelle même pas de ce que j'ai, parce que je les ai pas vus depuis un an et demi, parce qu'ils sont cachés en arrière dans le bordel. C'est un bordel bien étalé, mais c'est caché, il y a des épaisseurs, tu sais, j'ai perdu le contrôle. Mais là, ça va te revenir bientôt, ça. Oui! À chaque jour, je frétille de joie à me dire qu'un jour, je vais regagner le contrôle, puis je vais refaire tout ça. Puis là, je vais peut-être débarrasser des affaires, puis je vais mettre en évidence que j'aime. Tu vas faire une vraie belle game room. Oui, oui. Puis je vais repeinturer tout, puis je vais changer la déco, puis je vais avoir plein d'idées, je vais rajouter de la texture, je vais l'éclairage, je vais tout changer ça. Je vais le faire. Je vais le faire, guys, mais présentement, je peux pas. J'ai des enfants en place. Exact. Fait que c'est un plaisir pour plus tard. Fait que non, je veux pas vendre mes full sets. Je vais tout là, tu sais, comme... Là, ils sont trop hauts aussi. Là. Je veux exposer les boîtes là-dedans puis refaire d'autres affaires pour que mes cassettes soient proches. T'sais. Aussi, ça m'aide quand je veux faire des upgrades, les sortir rapidement, là, en tout cas. Mon Dieu, je suis-tu en érection? moi aussi, un peu. Attends, maintenant. Glevas s'est dit il faudrait imprimer une affaire 3D, custom 3D. Pour même à ça, genre, comme, tu fais ça comment? Hein? Ben, je pense qu'il faudrait des petits... mettons, ceci est un jeu de Game Boy. Là. Je tiens présentement mon jeu Switch. Peut-être une affaire qui ferait pencher un peu par en avant. Comme ça. Puis là, t'es capable de les empiler de même. Fait que peut-être, ouais. Le visuel, il faut que tu le checkes un peu par en dessous, mais pas trop. Fait que là, tu sais, comme ils rentrent les uns, tu sais, de même, ça va moins profond, tu sais. Il y en a combien de cassettes de Game Boy? 500 quelques, plus que ça, 600? Il me semble que c'était autour de 500. C'est beaucoup, mais pareil, là, pour mettre dans un petit meuble de même. Qui... Ah, ça serait dans le mur. Mettons, tu fais en impression 3D, tu fais le crate en plastique. T'en fais peut-être un long qui en tient 20. Puis là, tu mets 20, 20, 20. Ouais, ben, tu y vas avec le full set, puis tu fais un multiple qui marche. Là. Ouais. Puis là, tu checkes la hauteur que ça prend. 507, qu'on dit. Ah, 507, Jim. Bon, ben, voilà. Je pense que Jim travaille son set lui aussi. Fait que c'est plate, hein, le petit set à la fin. Mais le pire, c'est que dans ma collection de portables, c'est rajouté avec le temps plein de jeux de Game Boy Color, des jeux japonais. Fait que j'en ai encore plus à... Mais tout ça est caché en dessous de la serviette. Ouais. C'est triste. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. On s'en va en conclusion. On s'en va en conclusion. On s'en va se cacher en dessous de la serviette, on s'en va en conclusion. Gros spectacle! Ah oui, j'étais fatigué, mais je sais pas, j'ai comme trouvé de l'énergie. Ouais, moi aussi, hey, j'étais là, je pensais que j'allais mourir. Là, le bout là, de 5 à 8, là, hostique, c'est pénible. Ah ouais, c'est long pour toi ici. Je peux pas aller dehors, il fait frais, il y a de l'âge partout, je peux pas aller marcher. Tu peux aller prendre une marche ouais, un mais peu quand même, aérer le cerveau. Je travaillais, puis je travaillais par-dessus du travail aujourd'hui, là, fait que c'est ça. Ouais, il y a ça, il y a ça. Oui, je pourrais sortir et aller m'aérer le cerveau un peu. Là. Yep. Bon, ben écoute, prochain spectacle devrait avoir lieu... exceptionnellement un mercredi et ça serait mercredi le 11 car mon fils a de l'impro le 10 et il a de l'impro le 12. Okay. Donc ça serait mercredi le 11. Toi, tu étais disponible. Oui. Et on aurait un invité, oui. Mesdames et messieurs. Alors, à moins que de mon côté, si il se passe quelque chose avec mon beau-père, puis qu'il y a de quoi pour la famille, il faut qu'on aille en bosse d'urgence pour le voir une dernière fois, tu sais, ou à moins qu'il décède d'ici là aussi, puis que ça fuck mais tout. Les plans, je vous le dirai d'avance. Ah ben ça, mais, c'est exceptionnel. Mais c'est, ça sera exceptionnel. Part, tout, là, c'est normal. Là. Exact. Puis ça sera repoussé. Puis l'invité, c'est correct. Là, c'est non, il c'est est correct. Disponible. Fait que voilà. Donc, prochain show, on aura un invité. Ça va être le fun. Je pense que vous allez être très contents. Et puis, ben honte de vous dire ça. Je vais l'annoncer d'avance aussi, genre dans la semaine, pour que vous ayez des questions à lui poser. Donc, il y aura un segment questions du public. Et puis, je vais l'annoncer pour hyper un peu la patente. Ça sera la même structure qu'on a là, mais avec un invité. Là. Dans le fond, on fera pas un spécial sur l'invité. Là. Non, exact. L'invité va se joindre au format de l'émission. Puis, il y aura peut-être un segment à lui aussi. Là. On est en train de parler de ça. SSS Frank qui nous dit que son bout préféré aujourd'hui, c'était le segment Tarivision. Parce qu'il adore ce nouveau segment. Ça rappelle Rétro Nouveau quand au moins une personne teste un jeu rétro. Ça me rappelle Rétro Nouveau quand au moins une personne testait un jeu rétro. Pourtant, on avait des jeux rétro... on avait plus de jeux rétro à Rétro Nouveau à la fin, peut-être? Non, non. Parce que moi, je jouais juste des jeux Switch. Non, mais ça, il rappelle que comme dans le Rétro Nouveau, t'avais quelqu'un qui faisait un rétro, un nouveau. Fait que là, il était un peu de rétro, forcément, là, parce qu'on n'a pas le choix. Là. Exact, exact. Bon, ben, tant mieux. Tant mieux, j'ai aimé ça, ouais. Jim, il est à 337 jeux dans son set Game Boy. Wow. Travaille fort. Les temps sont durs en même temps, c'est dur de dépenser, je comprends ça. Steph Talbot, deux shows en deux de batté en 2026. C'est vrai, il a dit qu'il allait essayer d'être là à chaque fois. Donc. T'es as-tu batté ou t'étais batté pendant? Batté. T'es pas à l'écran dans le. Tu peux le répondre, non? On le dira je pas. Je comprends pas pourquoi, là, mais en tout cas. On va voir s'il va faire le full set live. Ouais. Et puis, merci encore pour ta généreuse contribution ben Patreon, oui. Steph. Bonne soirée, Carl. On va retenir ton idée pour Atari Vision. Ah, il est pas batté, Steph. Bon, ben, parle-moi de ton petit gars propre. Et puis, voilà. Donc, suivez-nous. Tout ça, médias sociaux, tout ça. Comme d'hab, Patreon. Merci à tous nos Patreons qui nous donnent de la belle argent. Grâce à vous, on a un bel ordi qui tient, qui va bien. Exact. On va peut-être arriver au chiffre. Tu sais, j'ai-tu déjà dit combien d'argent on fait ici avec Patreon? Pas sûr. C'est à peu près. C'est autour de 90$ par mois. C'est ça, là. Donc voilà. Et puis, puis moi, je me dis, Chris, un jour, on va atteindre le 100$. Mais il y en a qui se désabonnent, il y en a des nouveaux. Fait que, gars, on est tout le temps en train de grinder autour du 85, là, 90. En même temps, on dépense pas, à part là, on a fait l'ordi, là, mais fait que, ça s'accumule. Puis ça va aider, s'accumule là. Tout seul, tu sais. Le décor va être fait un jour, là. On a un semblant de début d'idée, là. Exact. Fait que vous comprendrez, quand on achète un ordi à 1500$, tu sais, ça. C'est de la... Nous autres, on n'a pas mis une scène, là. Non. Fait que c'est de l'accumulation. C'est votre accumulation de Rétro Nouveau et de Papa Cassette là, qui a payé ça. Là, puis, et de mon. Et de Rétro Nouveau aussi. Ma portion de Rétro Nouveau, parce qu'en Rétro Nouveau a fermé, exactement. On s'est redistribué tout le cash, puis moi j'ai juste injecté ça. C'est tout vous ça, autres, ça. Là. Fait que c'est tout vous autres. Donc on n'est pas riche, mais on est de bonne humeur. Ah, pas le choix, il nous reste juste ça. Bon, ben, merci beaucoup tout le monde. Surveillez nos médias sociaux et puis pour l'invité. Et puis, Canadien, belle victoire. Yes. Tout le monde est content. Super, ça. Yes. Merci, GF. Merci à toi, Dom. Merci à Dom. All right. Bye, tout le monde. Bye.